Attention, ça enregistre. Est-ce que tu es prêt, 10130 ? Non, pas tout à fait. Mais je sais pas pourquoi les gens ne me parlent pas avant que tu ne sois là, en fait. Comment ça ? Chez moi, personne ne me parle pendant des heures, et dès que je suis chez toi, des gens me... Ouais, dès qu'on est tous les deux, les gens veulent te parler. Des coups et tout. Là, tout de suite, on m'invite à boire un coup. C'est trop triste. J'aurais bien aimé. Mais hier, j'étais tout seul. Bon, bref. Attention, la musique d'intro va être formidable. Oh Canada, you are so beautiful. Bon, 10130, tu es prêt pour ce nouvel épisode de Glovok ? Est-ce qu'on peut lancer ? 1.1, et le retour. Attention, je vais lancer la musique d'intro qui va être formidable. J'espère que ça va pas être trop fort, que ça va pas nous exploser l'oreille. Attention, c'est parti. Oh, mais c'est le retour de Glovok. La formule classique. C'est incroyable ce qui se passe. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Glovok. On s'apprête à passer 4 heures ensemble qui vont être absolument merveilleuses. Je suis en compagnie, bien évidemment, de 10130. Bonsoir, 10130. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Oui. Je suis, comme d'habitude, en compagnie de Kunta, qui est là avec nous, bien sûr. Bonsoir, Kunta. Très bien. Et vous avez remarqué, donc, il n'y a absolument pas Quentin ce soir. Quentin n'est pas présent dans ce Glovok, mais peut-être qu'il le sera d'une façon un peu détournée. On vous en dit pas plus. Ah là, il y a des mystères. Un épisode un peu particulier ce soir, parce qu'on a décidé de refaire un espèce de retour aux sources dans ce Glovok. On reprend une formule un petit peu à l'ancienne. On se retrouve tous les deux avec 10130. Ça va être un moment un petit peu émouvant. Alors, avant de commencer ce Glovok, j'ai quelques annonces à vous faire. Alors déjà, au moment où on enregistre cet épisode, on a un autre épisode qu'il faut qu'on diffuse, qui est celui sur le football, que vous n'avez donc pas encore entendu, puisque vous n'entendez pas non plus ce podcast. Bref, on a constaté au dernier enregistrement... Oh là là, ça... On a des problèmes techniques. On a constaté au dernier enregistrement de Glovok qu'on avait à peu près 50 auditeurs. 50 000. Ouais. 50 000. 50 000, voilà. Mais voilà, et le problème, c'est qu'on n'a aucune interaction avec ces 50 000 personnes. Et on veut essayer de le faire. Donc au prochain Glovok, je vais essayer déjà d'ouvrir les... à la publication du prochain Glovok, je vais essayer d'ouvrir les commentaires sur PodCloud et essayer de vous manifester. Si vous nous écoutez, ça nous ferait vraiment très plaisir de parler avec vous. Mais oui. Ce serait merveilleux. Mais oui, pourquoi vous faites ça ? Qui êtes-vous ? D'où venez-vous ? On aimerait vous connaître. Vous n'êtes pas nos potes parce que personne de nos potes n'écoute. Voilà, personne ne nous aime. Sauf Charles. Et Jean-François. Oui, et puis sur 50 000, c'est pas énorme non plus. Ouais, quoi. C'est vrai. Deuxième petite chose, il y a un nouveau truc dont tu n'es pas au courant, 10130, c'est la PodMap. Est-ce que tu as entendu parler de la PodMap ? Non, qu'est-ce que c'est ? C'est une map monde avec tous les podcasts du monde référencés dessus. Donc c'est très Glovok dans l'esprit. Incroyable ! Incroyable, je vous conseille d'aller voir. Mais on fasse des partnerships. Bien sûr. Mais sache que quand on tape Glovok sur PodMap, nous sommes référencés dessus. C'est pas vrai. Je te jure. Incroyable. Donc ça, nous c'est allons conquérir le monde. Voilà, ça c'était la deuxième chose. Et la troisième chose, donc vous l'avez entendu dans notre dernier podcast, c'est notre sponsor. Voilà, c'est notre nouveau sponsor, le whisky Lagavulin. Alors, il y a eu une petite confusion apparemment. Certains auditeurs, avec qui nous n'avons donc pas de contact, nous ont dit qu'ils croyaient qu'il s'agissait du whisky Lagavulin, le fameux whisky un peu connu là. Oui, le whisky de Ron Swanson dans Parks and Rec. Voilà, alors que pas du tout. C'est vraiment, ça n'a rien à voir. Rien à voir, c'est du Lagavulin. C'est du Lagavulin avec un E à la fin et un O à la place du U, bien sûr. Du Lagavulin. Donc voilà, ça c'était je un petit même peu. Que c'est du Glavalorin. Glovolaline. Incroyable. Alors, pour cet épisode, donc comme je vous le disais, c'est un petit peu un épisode qui va plaire aux puristes, à ceux qui connaissent Glovok depuis le début, puisqu'on va commencer avec les trois parties habituelles qu'on utilisait au début pour parler. Ah oui, je ne vous ai pas encore dit dans quel pays on était d'ailleurs. On va d'abord vous donner des faits sur le pays dans lequel nous nous trouvons. Ensuite, nous allons parler de la vexillologie. Secret que personne ne connaît. La vexillologie de ce pays, c'est-à-dire l'étude de son drapeau qui va être remplie par 10130. Et nous allons enfin parler de l'hymne de ce pays. Ensuite, Nous allons... Attendez que je retrouve mes fiches. Oui, ensuite, nous allons écouter un conte de 10130. Ça aussi, ça faisait longtemps. Le classique, le Est-ce classique, il y a que ça de vrai. Est-ce que tu peux nous faire un teasing sur ce conte, 10130? Le teasing, c'est drapeau. Ah d'accord. Donc finalement, c'est dans la suite de la vexillologie. Hein, bien sûr. Bien sûr. Tout est cohérent avec toi, c'est fou. Bien sûr, toujours. Ensuite... Contradictoire, mais cohérent. Ensuite, il y aura la rubrique surprise. La rubrique surprise, bien sûr, encore une fois, très, très mystérieuse. On peut teaser la rubrique surprise. C'est un envoyé spécial, on peut le dire. Bien sûr. C'est clairement un envoyé spécial. Très spécial. Ça va être très spécial. On va ensuite enchaîner avec un petit dossier que j'ai préparé sur les cachalots et sur la pêche aux cachalots et sur l'avancement de nos recherches concernant le Glovoc surtout. C'est quand même pêcher des baleines, c'est bien. Voilà. Et on va terminer avec... Surtout qu'ils n'arrivent plus à faire des bébés, d'après ce que j'ai pu comprendre. Pourquoi ils n'arrivent plus à faire des bébés? Mais j'ai lu aujourd'hui même un article qui m'a choqué sur les baleines. Comme quoi, en fait, il n'y a qu'un tiers... Enfin, il y a un type de baleine spéciale. D'accord. Il n'y a qu'un tiers de ses enfants qui survivent à la fin. Et il y a une vidéo comme ça où on filme une baleine qui pousse son bébé mort sur plusieurs kilomètres. C'est le truc le plus brisant du cœur que j'ai vu récemment. Et pourtant... Il y a eu l'incendie en Grèce, quoi. Ouais, sur les baleines, il y a un truc qui m'a brisé le cœur aussi. Est-ce que tu connais cette baleine, je crois, qui s'appelle 51? La baleine la plus seule au monde, on l'appelle, dans les médias traditionnels. Mais parce que personne ne la comprend. C'est ça, parce qu'elle parle à une fréquence trop haute. Et bah du oui. coup, les autres baleines ne la comprennent pas. C'est beaucoup trop triste. Mais c'est moi, ça. En fait, on s'est rendu compte récemment que peut-être qu'on avait trop surinterprété le truc et que peut-être que cette baleine, depuis le début, se fout de notre gueule. Parce que... Il est possible que cette baleine n'utilise ses fréquences qu'à proximité des humains. Exprès D'accord. pour nous troller. D'accord. Donc, cette baleine qu'on croyait seule... C'est une salope. C'est une connasse, absolument. Terrible. Incroyable. Terrible des illusions. Finalement, c'est pas moi, c'est l'autre. Bien sûr, c'est toujours la faute de l'autre. Voilà, et puis on va terminer ce Glovoc donc avec maintenant ce qui est devenu le traditionnel quiz de 10130. Hein. On en a un à chaque fois maintenant. Hein. C'est un des quiz, choses merveilleuses. Non, c'est pas un quiz, c'est un triple Q. Ah, c'est un triple Q? Oui. Pourquoi triple Q? Parce que c'est le Cupo Quiz du Québec. Ah. Parce que oui, nous allons aujourd'hui au Canada. Ouais, pardon, voilà. Merde. Ouais. Ouais. Okay. On l'a refait, on l'a refait. On va au Canada. Au Québec. Ok, mais on va où alors? On est où? Parce que d'ailleurs, on y est. Mais oui, bien sûr, en direct. Glovoc. En direct. D'Ottawa. Oh. Bravo. Incroyable. On est encore un tout petit peu en train de d'évoluer hein, sur la technique pour l'instant. Ne faites pas attention hein, surtout. Bon, on va commencer du coup oui, avec... Mettez-nous quand même 5 étoiles. Bien sûr, mettez-nous 5 étoiles et parlez-nous, mettez-nous des commentaires et des pouces bleus. C'est important, hein, les pouces bleus. Et la cloche aussi. Bien sûr, activez la cloche pour avoir toutes les notifications de Glovoc, c'est-à-dire une fois tous les 6 mois. Fabuleux. Alors, on va commencer avec quelques faits sur le Canada pour commencer à comprendre un petit peu où est-ce qu'on est, qu'est-ce qui se passe. Nous sommes en direct d'Ottawa. Alors, le Canada, qu'est-ce que c'est? Le Canada est une monarchie constitutionnelle parlementaire fédérale d'Amérique du Nord, devenue indépendante du joug de la perfide Albion en 1867. Son actuel Premier ministre s'appelle Justin Trudeau. Vous l'avez forcément déjà entendu parler. Et son gouverneur... L'amant d'Emmanuel Macron. Oui, alors, écoute, il y a beaucoup trop d'amants à Emmanuel Macron. Moi, ça commence à m'inquiéter. Parce qu'après, Alexandre Benalla et le machin... comment il s'appelle, l'autre mec, là? Mathieu Gallet. Mathieu Gallet, voilà. Moi, je non. En plus, c'est toujours des beaux mecs. C'est ça qui est... C'est vrai que, mine de rien, par association d'idées, on se dit, ah, Macron, ça veut dire qu'il est pas mal, du coup. Bon, voilà. Indépendant en 1867. Voilà, Justin Trudeau est le gouverneur du Canada. Qu'il y a un gouverneur, parce que c'est quand même une monarchie constitutionnelle, donc elle rend des ordres à la reine directement. Elle s'appelle Julie Payette. Notre envoyé spécial qui vient. Je viens de recevoir un message urgent de notre envoyé spécial qui nous indique qu'en ce moment même, il ne peut pas nous répondre directement, mais qui nous suit directement sur Twitch, parce que oui on évolue dans la technique et on évolue dans l'influence mondiale. Bien sûr, bien sûr. Alors là, nous sommes en direct sur Twitch, effectivement, c'est la première fois. Nous avons 2000 viewers sur Twitch actuellement. 2000, vous vous rendez compte? 2000, nous. Alors, petite histoire rapide du Canada. Le Canada a été colonisé par les Européens à partir du XVIe siècle, particulièrement par les Français et les Anglais, bien entendu. Et avant, il était principalement peuplé par les Amérindiens et les Inuits. Et il y a aussi des Vikings qui sont passés par là à certains moments. Voilà. Qu'est-ce que j'ai dit ? Oui, le territoire canadien, bien sûr. C'est important de savoir la superficie des pays dont on parle. Hein. Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, c'est bon. La musique était trop forte ? Oui. Le territoire canadien couvre une surface d'environ 10 000 milliards de centimètres carrés. C'est beaucoup. Ce qui en fait le deuxième plus grand pays du monde après la Russie. Et en termes de terrain de foot, ça fait combien ? J'ai pas le ratio terrain de foot. 500 quintillions. Sans doute, ça doit être, c'est beaucoup. Le terrain de foot. Il compte environ 36 milliards de doigts de pied humains, ce qui fait à peu près 36 millions de Canadiens. Ses langues officielles sont le français et l'anglais. Et d'ailleurs, à ce propos, nous allons écouter un parlementaire canadien s'exprimer sur la question. Mais les éléments d'identité restent les mêmes. Voilà, merci beaucoup. C'était très clair, évidemment, pour tous nos amis francophones. On ne se moque pas. Les éléments d'identité. D'identité. Mais c'est vraiment la question du siècle, c'est l'identité. Hein. Franchement, on ne peut pas y échapper à l'identité. La capitale du Canada est Ottawa, bien que ses grandes villes soient Toronto et Montréal. Et l'hymne officiel du Canada s'appelle « Au Canada ». Ils ne se sont encore pas beaucoup fait chier là-dessus. Mais nous y reviendrons plus tard, puisque nous allons d'abord... étudier la vexillologie du Canada, du drapeau canadien avec 10130. Incroyable, incroyable, Canada, vous le connaissez tous, vous le savez tous, le Canada. Je suis de foire. Putain, le Canada, venez acheter mon Canada, seulement mon 10 drapeau euros. Drapeau canadien, attention, le drapeau canadien est un drapeau très intéressant parce que c'est l'un des drapeaux évidemment les plus connus au monde. C'est vrai. Après l'Union Jack, le drapeau français et le drapeau américain. Le drapeau français fait partie des drapeaux les plus connus dans le monde, tu penses ? Non, mais j'essaie de... Bon, d'accord. Voilà, j'essaie de se chauffer on un peu. On est en France, on parle français. Voilà, la base. Et du coup, le drapeau canadien qui s'appelle l'unifolier ou le... ou the maple flag, littéralement le drapeau à la feuille d'érable, et le drapeau national et le pavillon national du Canada. Donc c'est bien sûr l'un des drapeaux les plus distinctifs au monde. Oui. On va faire très vite. Hein. Ah. Il faut d'abord savoir que ce drapeau a été adopté en 1965 par proclamation royale, s'il vous plaît. D'accord. Et cette description officielle le décrit comme suit. Un drapeau rouge dont les proportions sont de 2 de longueur sur 1 de largeur à carré blanc au centre, haut de la largeur à coller à la rampe et portant une seule feuille d'érable rouge. Bon, en gros, ça veut dire que c'est un drapeau rouge portant dans un carré blanc une feuille rouge d'érable stylisée à 11 pointes. Donc c'est un drapeau qui fait deux fois en longueur sa hauteur à peu près. Donc c'est un drapeau... Oui, c'est un drapeau horizontal long. C'est ça ? Absolument. Et c'est sa particularité. Il est plutôt long, ouais. Bah oui, c'est l'une de ses particularités, puisqu'il y a un carré au milieu. Finalement, si tu coupes les deux bords, ça fait le drapeau suisse. D'accord. À l'envers, avec une feuille d'érable. À ouais. Donc, ça ne fait pas du tout le drapeau suisse. Mais ça fait aussi un peu le drapeau péruvien. Non. Drapeau péruvien, c'est quand si tu le retournes. Ouais. C'est blanc et. Sinon, si tu supprimes une partie, tu mets du bleu. Ouais. Et tu inverses deux couleurs. Deux couleurs, tu peux faire un drapeau français. Ouais. Incroyable. Enfin bref. C'était le moment vexillologie de Glovox. C'est de la science exacte. Ne refaites pas ça chez vous. Hein. En fait, le nombre de pointes de la feuille... Devine. 5, c'est ça ? Non. 6 ? Non. 1000 ? C'est une fois de plus le nombre de provinces qu'ils ont. Ah. C'est 11. Bon, 11. C'est pas grave, ça reviendra de l'autre époque. Donc... Ah c'est vrai, il faut que je m'en souvienne pour savoir le nombre de provinces. C'est, okay. c'est un petit indice. Donc le nombre de points. N'hésitez pas à jouer chez vous. Tu sais quelle est la signification de ce nombre 11? Bah c'est le nombre de provinces du Canada. Absolument pas, en fait ça n'a absolument aucune signification. Le nombre et l'arrangement des pointes de la feuille ont été choisis après des tests en soufflerie ayant montré que le dessin actuel était le moins indistinct en cas de vent fort. Ah. Donc ils ont dû souffler plein de feuilles d'érable. D'accord. Ils se sont dit, ah tiens, celui-là, ça ressemble vaguement à une feuille d'érable quand on souffle du vent. C'est donc d'abord un choix technique, un finalement. Un choix extrêmement scientifique. D'accord. Les Canadiens à la pointe de la technologie. Très bien. On y reviendra. Donc, au niveau de la signification, en 1921, le roi George V, l'hôtelier... Oui. Enfin, le père du bègue surtout, proclama que les couleurs officielles du Canada seraient le rouge de la croix de Saint-Georges, évidemment, et le blanc de l'emblème royal français depuis Charles VII. Incroyable. Ouais. On ne le saurait pas si on n'avait pas écouté le Glovoque. Vous l'aurez appris dans Glovoque. Dans Glovoque, absolument. Incroyable. Donc, du coup, le drapeau fait sa première apparition le 15 février 1965. Et cette date est aujourd'hui célébrée comme le Flag Day, c'est-à-dire... Le jour du flag du drapeau. Bravo. Ah, bravo. Bravo. Incroyable, incroyable, tant de savoir. Sachant que du coup, il y a l'Union Flag aussi, le fameux Union Jack britannique. D'accord. Et aussi un drapeau officiel du Canada qui est utilisé pour symboliser la royauté, puisque comme tu viens de le dire, c'est une monarchie dont le chef d'État est... La reine d'Angleterre, Elisabeth II. Lilibet, on l'aime Lily. Bien, Lilibet. Lily. Voilà. On va la retrouver dans Glovoque, Lilith. Hein. À mon avis, on va... Elle va revenir assez régulièrement. Mmh. Elle a hérité de beaucoup de choses, cette dame. Ah, elle est puissante. Elle est puissante. Bref, tu veux une petite histoire ou on enchaîne? Bah vas-y, raconte-moi une histoire. Très vite. Raconte. Mais attends, c'est pas le conte de 10130. Ah non, ah, c'est, ouais, c'est l'histoire du drapeau. En fait, avant l'unifolier, oui. C'est le red insigne canadien qui était utilisé de manière un peu informelle... comme drapeau canadien. Puis en 1945, après la Seconde Guerre mondiale, ils se sont dit « oui, bon, on va utiliser ça ». Et au bout de 20 ans, les gens n'étaient pas contents. Et surtout, un type en particulier n'était vraiment pas content de continuer à utiliser ce drapeau, le Red Ensign, qui est en fait un drapeau rouge avec un blason du Canada et dans le coin, l'Union Jack anglais. Donc, oui. Pourquoi on a dû changer de drapeau? Bon, je t'explique. En 1963, le gouvernement de minorité libérale de Lester B. Pearson décide d'adopter un nouveau drapeau à la suite d'un débat parlementaire, parce que ce monsieur, qui était Premier ministre à l'époque, avait été un négociateur important dans la crise du canal de Suez de 1956. On rappelle, hein, la crise du canal de Suez, c'est la crise qui a eu lieu au canal de Suez, donc qui impliquait évidemment l'Égypte, et avait même reçu le prix Nobel de la paix pour ses efforts, ce monsieur. Du coup, durant la crise, Pearson avait été gêné par le fait que le gouvernement égyptien avait refusé l'entrée des casques bleus canadiens sur le territoire en raison du fait que le drapeau canadien de l'époque, donc la Red Ensign dont je parlais, contenait le même symbole que celui du Royaume-Uni. Donc okay. Les Égyptiens, là, oui, non, vous êtes l'un des principaux belligérants, on ne va pas non plus accepter vos casques bleus, vous n'êtes pas très, très partiaux, etc., etc. Du coup, le monsieur s'est dit, bon, maintenant, on va créer un drapeau canadien distinctif et sans ambiguïté aucune. D'accord. Voilà, et du coup, il s'est lancé dans un délire tout seul avec ses potes, ils ont mijoté des trucs. Bourrés, voilà, et puis il y avait un type, il était vraiment pas content, il disait non, on est fiers d'Américains, les conservateurs, surtout lui, c'est un libéral, donc un mec de gauche. D'accord. Que en Amérique du Nord... Ouais, libéral, ça veut dire de gauche, ça, les anglophones... Ils sont bizarres. C'est étrange. Du coup, ce qui a permis en fait à ce garçon d'obtenir ce drapeau, finalement, c'était évidemment le Québec. Puisque le Québec, lui, il était contre la Red Ensign, puisque comme d'habitude, eux, ils reconnaissent rien au Canada. Bien sûr. À part le Québec. On en parlera pas ce soir, finalement, des dépenses du Québec. Non, parce qu'on ne veut pas créer de problème. Glovoque, avant tout, c'est la paix, l'amour, la bonne. C'est vrai. Vraiment? Vraiment? Oui. Mais je vais te l'expliquer en chanson. Glovoque, c'est la paix, l'amour et la bonne humeur. Voilà. Et donc, pour terminer, je dirais que... Il y a eu du coup pendant justement le conflit d'indépendance du Québec, etc., il y a eu des gens qui ont proposé un drapeau alternatif qui incluait des petites bandes bleues sur le drapeau actuel du Canada pour symboliser la part importante de la France. Et ce drapeau est nommé, si je ne me trompe pas, le drapeau de la dualité canadienne. Donc c'est un drapeau un peu non officiel, hein, mais les gens le sortent toujours de temps en temps. Et ils ont été développés pour démontrer l'unité du Canada lors des rassemblements pour le non de la campagne pour le référendum de 1995 au Québec. Ah d'accord. Mais parce qu'ils voulaient montrer l'unité du Canada à ce moment-là. Oui, ça c'était les anti-référendums en fait qui ont développé ce drapeau-là, puisque les Québécois, eux, sont fiers de leur propre drapeau, bien dont sûr. J'aurais dû parler puisque je suis quelqu'un. C'est vrai. Et finalement, non, t'as rien sur le drapeau du Québec. Mais non, parce qu'on va faire un spécial Québec plus tard. Ah. Parce que le Québec est une nation à part entière. Ah bah finalement, on se prononce alors. Bah oui. Donc on se prononce en faveur de l'indépendance du Québec. Mais clairement. Ah d'accord. Donc Glovoque, ce soir, prend officiellement position pour l'indépendance du Québec. Mais bien sûr. Ok, tu veux faire quoi d'autre? Mais non. Non, mais on pourrait rester neutre, par exemple, tu vois. Ah bon? Ah, j'ai pas dit, on est neutre. J'ai pas dit on qu'on neutre, devait quoi. Le faire. On est neutre. Non, mais moi je suis chaud. Mais ça peut non, être moi marrant, je suis chaud pour l'indépendance du Québec. Et puis Glovok, bon, on a fait spécial Coupe du Monde. C'est pas que non plus non, comme attends, si les pays faisons, on les reconnaissait faisons officiellement. Un petit point, faisons un petit point Québec là tout de suite. Oui. Parce qu'on va pas énormément en parler pendant ce Glovok. Hein, on va vraiment. Le triple Q. Oui, alors le triple Q, il va y avoir effectivement une petite partie là-dessus, mais on va pas vraiment rentrer dans le fond, je pense, dans ton triple Q. Est-ce qu'on va rentrer dans le fond de ton triple Q? Vraiment pas. Personne ne rentre dans le fond de mon triple Q, jamais. Mais le point. Québec, il y a une... Bon, dans le, maintenant qu'on est des geeks un petit peu hein, et qu'on vit sur Internet, on est quand même beaucoup en contact avec des Québécois sur Internet. On voit beaucoup de Québécois, des trucs qu'ils font. Il y a des trucs québécois qui arrivent en France. Ouais, puis on a fait des études, quoi. On connaît des gens. Ouais, on a fait... Oui, toi, tu connais... Mais tu connais des Québécois, toi, vraiment? Mais oui! Mais qui? Deux frères à moi ouais, sont non, mais Québécois, d'accord. Non, mais, excuse-moi. excuse-moi. Non, mais ok. Mon frère est un peu canadien quand même, je rigole. Mais, non, mais d'accord. Mais moi, il n'y a pas de problème. Non, mais quand je te dis un Québécois, je pense plus à un mec qui a l'accent québécois, tu vois, par exemple. Mais est-ce qu'il a l'accent québécois d'ailleurs, ton frère? Mais non, mon frère a l'accent, franco-africain. Oui, d'accord. Donc voilà, ils sont bas les couilles, non, mais, il va pas bon, se rajouter. Mais à part tes frères, tu connais peu... des Québécois ou pas? Mais oui, j'ai des potes et tout qui vivent au Québec et tout. Enfin, il y a eu des ouais, échanges genre, Erasmus ouais. pendant. T'as une copine, mais elle est pas dans ce lycée, quoi. Elle est dans un autre lycée. Mais pendant mes nombreuses, pendant mes nombreux doctorats, j'ai eu l'occasion de croiser des Québécois. Donc oui, les Québécois, je les aime bien. Les Canadiens anglophones, honnêtement, j'en connais pas assez. Ouais. J'en connais aucun. Donc, ah, j'en ai connu quelques-uns et c'est vrai que c'était pas fameux hein. Voilà. Globalement. Donc Québec libre ou pas? Non mais Québec libre très clairement. Et puis voilà, en fait on se sent solidaire avec les Québécois et parce pour qu'ils le ont coup, la feuille de lys, merde. Ils ont la feuille de lys. Et puis pour le coup c'est des rares, ils font partie des rares personnes qui aiment bien la France quand même. Même les Français la détestent. Et les Québécois aiment bien eux la France. Oui, donc bon, merci quand même, tu vois. Mais ça, comme ça, tous, c'est chaud, ils détestent quand même les Français. Oui, bah non, mais ça, les Français c'est encore une autre question si tu veux. À part Antoine Griezmann et les Québécois, qui aiment la France finalement, tu vois. Bon, bah, moi, monsieur le ministre de l'Intérieur, moi j'aime la France. Non, mais attends, ce qui va changer, c'est pas. Oui, il va changer. Oh, ça va. Est-ce que tu as d'autres choses à dire? Du coup, tu avais fini ton histoire, je sais plus. Ouais, j'avais fini, mais c'est vrai que maintenant que je raconte ça, je me suis dit, oh, tiens, j'aurais peut-être dû faire une petite partie sur le drapeau québécois qui est un peu le drapeau breton du Canada en fait. Bah oui. Ouais, non, mais bon, c'est quand donc, même. Donc la Bretagne libre aussi. Non, mais de toute façon, en plus, je crois qu'on l'a déjà dit dans Glovok, on était pour toutes les indépendances. Bah oui, vous voulez voilà. Partir, faites vos. Plus il y a de pays, plus il y a de Glovok. Sauf l'indépendance du Royaume-Uni quand même par rapport à l'Union Européenne, parce que eux, ça va. C'est bon. Ok. Ça, non c'est au Brexit. Ah non. Non, parce que. C'est pas un peu arbitraire comme position comme ça Non, parce que eux, ils sont puissants. D'accord. On peut pas les laisser partir. D'accord, on peut pas se permettre. Donc tu penses d'abord à tes intérêts. Faibles. D'accord. Les riches, non. Vous restez là et vous donnez l'argent. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est ça l'idée, tu vois. Ouais, parce que finalement, est-ce que Bernard Arnault, quand il part mettre son argent au Panama, est-ce que c'est pas une forme d'indépendance? Bah oui, bah non. Ouais, justement, non. Bernard, reviens. On t'aime. S'il te plaît. Bon, on passe à la suite du coup? Mais bien sûr. Allez, alors du coup, on va écouter l'hymne du Canada. Alors je vous préviens, je n'ai absolument rien préparé, donc on va écouter l'hymne du Canada et on va rien dire dessus. Préparez-vous, hein. Ça va être une partie intéressante. Oui, c'est la version française. On s'emmerde. Hein. Au secours, sortez-nous de là. On se fait chier. Bon, voilà, par pitié que ça s'arrête. Québec libre, vite, vite. Alors, je vous lis quand même les paroles. Au Canada, terre de nos aïeux, ton front est ceint de fleurons glorieux, car ton bras s'est porté, s'est porté l'épée, il s'est porté la croix. Mais bon. Quand ils disent terre de nos aïeux, ils parlent des aïeux de qui, entre nous? Attention, c'est sujet à caution. Sujet à quelle caution? Ben, est-ce que les Amérindiens chantent cet hymne avec les autres, tu vois? Est-ce qu'ils mettent la main sur le cœur au moment où c'est l'hymne? Ou est-ce qu'ils font comme Karim Benzema? Incroyable! Un moment de racisme fabuleux. Bon, voilà, c'est un hymne qui est écrit et composé en 1880, mais je n'aime pas cet hymne. Il ne m'intéresse pas du tout. Moi, ce que je veux qu'on découvre ce soir ensemble, c'est l'hymne du Québec. Mais avant tout, on va quand même faire une petite partie vexillologie très vite sur le drapeau du Québec. Ah, oui, d'accord. Quand même, parce que bon, on va pas se priver. Ah, alors qu'on nous dit en direct le Twitch déconne apparemment. Hein. N'hésitez pas à vous manifester dans le chat. Hein. Alors, du coup, je vais y aller vite. Oui. Wikipédia, vas-y. Drapeau du Québec, je lis. Le drapeau du Québec ou le fleur de l'Isée, déjà, ça passe mieux le que le fleur de l'Isée, bien sûr, est le drapeau du Québec. D'accord. Il est bleu avec une croix blanche cantonnée de quatre feuilles de lys de la même couleur. Le drapeau est adopté par le gouvernement du Québec pendant le mandat du gouvernement de Maurice Duplessis. Il est élevé pour la première fois le 21 janvier 1948, donc il est bien plus vieux que le drapeau canadien. Ah ouais ? À 15h, heure locale, au sommet de on est précis à ce point-là. De l'hôtel du Parlement à la ville de Québec. Le fleur-de-lysée flotte aujourd'hui sur tous les édifices publics et partout dans le monde, sur les délégations et bureaux du Québec à l'étranger. Et dans tous les festivals de rock du monde avec le drapeau breton, bien sûr. Absolument. Du coup, une petite description d'après Wikipédia. Hein, la description héraldique du drapeau est d'azur à la croix d'argent cantonnée de quatre fleurs de lys du même. En héraldique, l'azur correspondant au bleu et l'argent au blanc. Donc dans la symbolique, de couleur blanche, la croix renvoie au catholicisme. Oui. Centrée et droite, elle est typique des anciens royaumes d'Europe occidentale. L'utilisation de croix blanche sur les drapeaux français remonte au XIIIe, XIVe siècle. D'accord. Comme le carillon, ancêtre direct du fleur-de-lysée, le bleu symbolisait à l'origine la Vierge Marie. Comme d'habitude, le bleu symbolise toujours la Vierge Marie. Toujours, comme en Europe. C'est fou. S'éloignant peu à peu de sa symbolique originelle, la couleur du drapeau est devenue nettement plus foncée au fil des années. Les drapeaux bleus à croix blanche sont attestés en France comme symbole militaire ou de la marine marchande dès le XVIe siècle. Le fond bleu royal rappelle la couleur du blason des souverains de France qui régnèrent pendant la domination française en Amérique. Quant au lys, comme symbole de la monarchie française, il est attesté à partir du XIIIe siècle. Une légende le fait même remonter à Clovis. Les fleurs de lys du drapeau québécois se distinguent de celles du blason royal français par leur couleur. Les premières sont blanches, la couleur du catholicisme, mais aussi celle du royaume de France sous les Bourbons et fondateurs de la colonie. Les secondes sont dorées. Tu me dis quand t'as fini la page Wikipédia. Les Capétiens, hein. Direct. Si ces fleurs de lys blanches ont été apposées sur le drapeau de Québec, afin de rappeler l'époque de la Nouvelle-France, elles ne signifient pas un quelconque attachement au peuple du peuple québécois à la monarchie française. C'est long. Hein. Le lys de l'héraldique. Décliné en différentes couleurs selon les régions. N'hésitez pas à vous manifester sur Twitch. Comme symbole de la francophonie nord-américaine. Mettez des pouces bleus. Du moment et mettez la que cloche. La feuille d'érable devint un emblème pan canadien. Très bien. Merci Wikipédia. Bravo. C'était long. Bravo Wikipédia. Bravo Wikipédia. C'était voilà, fabuleux. C'était important. C'était un hommage. C'était le Québec libre. Mais et du coup maintenant, on va écouter l'hymne canadien. Alors ouais, il fait extrêmement chaud dans le studio, hein, évidemment. C'est la canicule ici au Québec. Ici au Québec, comme partout dans le monde, bien entendu. Au secours. Alors oui, l'hymne du Québec. Alors en fait, c'est pas un hymne officiel. Ils ont pas d'hymne officiel, les Québécois. Par contre, à peu près tous les Québécois s'accordent à dire que depuis le référendum alors je crois que c'était un référendum en 1980, je crois que c'est pas ça. Pas 95. C'était pas 95, c'était les années 80. Donc je pense que c'est 1980, forum de référendum de pour l'indépendance du Québec. Les indépendantistes et les souverainistes du coup ont proclamé cette chanson de cet homme qui s'appelle, comment s'appelle-t-il, Gilles Vigneault, qui était composée en 1975. Cette chanson que nous allons écouter est devenue et l'hymne dont le titre est. Et dont le Bella titre. Ciao. On y va. Non. Le temps qu'on a pris pour dire je t'aime, c'est le seul qui reste au bout de nos jours. Les vœux que l'on fait, les fleurs que l'on sème, chacun les récolte en soi-même. Au beau jardin du temps qui court, gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Gens du pays, c'est votre tour de vous laisser parler d'amour. Incroyable! Incroyable, voilà. N'est-ce pas? Alors là, voilà. Ah, c'est formidable, clairement, c'est le plus beau hymne qu'on ait jamais absolument entendu. Absolument. Vraiment, ça parle d'amour, ça parle de fleurs, ça parle de jeunesse. Vraiment, c'est très beau. Et il y a une phrase en particulier que j'aime beaucoup. Alors, c'est le deuxième couplet, là, on est en train de l'écouter. C'est alors, le deuxième couplet fait « Le temps de s'aimer, le jour de le dire ». fond comme la neige aux doigts du printemps. Fais-t-on nos joies, fais-t-on nos rires. Ces yeux où nos regards se mirent, c'est demain que j'avais 20 ans. Et je trouve que c'est demain que j'avais 20 ans, c'est une très jolie phrase de ce poète qui s'appelle, merde, comment s'appelle-t-il déjà, Gilles Vigneault. Big up à Gilles Vigneault qui est toujours vivant et merci qui est là-bas. Beaucoup. C'est merci vraiment beaucoup. Formidable, franchement. Vraiment beaucoup de plaisir, ça, cette ça, hymne. Ça fait l'un des hymnes vraiment, les plus sympathiques qu'on ait entendu d'Anglovoc. Et t'as envie de faire l'amour sur cette chanson. Ouais, tu fais l'amour comme ça, toi, putain, c'est horrible. Pardon. Non, là, c'était la jouissance directe. D'accord. Au secours. Bon, sortons de là. On va continuer avec un. On va continuer avec un autre grand artiste québécois, Géry Boulay, avec Toujours Vivant. Voilà, ça c'était vraiment juste pour le plaisir, parce que en plus, c'est pas du tout cette musique qu'il faut mettre maintenant, parce que là, on a fait les facts sur le Canada, on a fait la vexillologie, et il est temps, on a fait l'hymne, les hymnes bien sûr. Il est temps d'avoir notre envoyé spécial. Ah, tu veux qu'on contacte notre invité spécial maintenant? Moi je suis chaud. Maintenant là? Franchement, il est seul, le Twitch marche plus. Le Twitch marche plus, ah ouais, c'est vrai, mais on a plus que 1 000 viewers sur Twitch maintenant. Je sais pas qui c'est. C'est toi. Ah bah oui, c'est vrai que c'est moi. Oui. C'est vrai que c'est moi puisque je suis dessus. Alors, je vais essayer de contacter notre envoyé spécial du Québec, du Canada. Ça sonne apparemment. Je suis celui qui marche. Mais moi, j'entends rien. C'est normal. Allô? Oui. Allô? Incroyable, nous sommes en direct. Vous l'avez reconnu, il s'agit bien sûr de Maître Quentin. Maître Quentin est de retour avec nous en direct du Canada. Nous on est à Ottawa, lui il est quand même aussi au Canada, mais ailleurs. Tu m'entends bien, tout va bien? Mais là je suis pas à Ottawa là. Mais tu es où? Tout va très bien, c'est incroyable ce qui se passe. Là je suis sur la péninsule de Bruce, c'est-à-dire que je suis à, je sais pas, je dois être à 300-400 km d'Ottawa. D'accord. Et du coup, tu es tout seul? Tu es avec le docteur Brown ou Oui, je suis avec ma secrétaire qui est avec moi, avec qui j'ai des relations assez étroites parce que bon, on bosse ensemble sur la volcanologie canadienne. D'accord. Donc elle est avec moi, elle m'accompagne, elle me tient compagnie. C'est l'objet de ton voyage, la volcanologie. Bien sûr. Bah, comme d'habitude. De partir avec ma secrétaire. Oui. Et donc, ça c'est bien parce que Glovoc, il n'y a jamais de fille, et dès qu'il y en a une qui est mentionnée, c'est le secrétaire. Et ça, c'est beau. Je trouve qu'on fait beaucoup pour la cause des femmes. Glovoc, il n'y a pas de casse progressiste. Bon, alors, qu'est-ce que tu as fait ces derniers jours? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton périple scientifique, j'imagine? Est-ce que tu peux nous dire un peu ce que tu as vu? Bien sûr, écoutez. Déjà, je pense que c'est important de vous préciser qu'à l'heure où je vous parle, il est quand même 16h, il fait jour, il fait beau, tout ça. Mais nous aussi, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. Dehors, c'est beaucoup de plaisir. Parce que là, effectivement, il serait apparemment 22h03 en France, selon nos informations. Hein. Oui, alors que... Alors que vraiment, Canada aussi. C'est vraiment l'après-midi. Il fait beau. Oui, bien sûr, voilà. C'est l'après-midi, j'ai encore toute la soirée devant moi. Eh bien, écoutez, je suis arrivé à Montréal, j'ai étudié un petit peu la volcanologie à Montréal. On m'a dit que c'était inutile puisqu'il n'y avait aucun volcan là-bas. Du coup, j'ai essayé de migrer un petit peu vers l'ouest. Mais y a je suis parti sur Ottawa. Ottawa, pareil, aucun volcan. Heureusement que j'avais ma secrétaire avec moi pour me réconcilier dans les moments difficiles, pour me réconforter. Bien pardon. Sûr. Et puis, voilà, donc là, écoutez, je suis au bord des grands lacs. Je suis au bord du lac Huron, qui est un lac qui est extrêmement grand, comme tout ce qu'il y a au Canada, puisqu'il y a de la place partout, hein, comme vous l'avez signifié. Il y a énormément de terrains de football, de terrains de tout ce que vous voulez, puisqu'on peut en mettre des milliards et des milliards. Tout est loin de tout. Il y a des millions de kilomètres entre chaque ville. C'est beaucoup de plaisir. Les voitures sont énormes, les gens aussi. La bouffe est énorme, c'est incroyable. Et du coup, t'es allé à Montréal, donc t'as vu des Québécois. Est-ce que t'as eu l'occasion d'interagir avec des Québécois ou pas? Non. Comment? Excuse-moi, est-ce que t'as eu l'occasion d'interagir avec des Québécois, de parler avec eux? Ah, les Québécois, c'est des Français américains, c'est ce qu'il faut savoir, attention. Ouais. Hein, voilà, c'est des gens qui parlent la langue française, mais qui sont américains et qui sont extrêmement gentils, d'une gentillesse incroyable. D'accord. C'est-à-dire que si tu prends le métro tu fais tomber ton billet au milieu de la foule, il y a quelqu'un qui va te courir après pour te le rendre avec le plus grand sourire du monde. C'est beaucoup de plaisir. C'est formidable. Hein. Ah, ça change de Paris, la capitale, bien sûr. C'est pas pour rien qu'on a massacré tous ces Indiens. Non, mais franchement, je suis maintenant, fier. Maintenant, c'est bien. Et c'est quoi la suite du programme alors? Mais franchement, on a bien fait. La suite du programme, écoutez, on va redescendre sur les chutes du Niagara, puisqu'apparemment il y aurait des activités sismiques et volcanologiques au niveau des chutes. Bah ouais, c'est connu. Et puis on remonte sur Toronto, Kingston, et puis on retourne au pays des gens qui ont un accent rigolo. Puisqu'il faut le signer, ils ont un accent rigolo. Alors justement, on voudrait pas évidemment faire de racisme, hein, tout ça. Mais Quentin, tu es quand même un peu l'imitateur de cette émission. Tu es un peu la caution comique de cette émission. Est-ce que, en exclusivité pour Glovok, tu pourrais nous faire quelques phrases avec l'accent québécois? Pardonnez-nous, pardonne-moi, cher frère. Tous nos auditeurs québécois seront tous mes frères ravis. Qui seront, mais alors, les Québécois disent souvent que les Français ne savent pas faire l'accent québécois, ce qui est vrai. Ouais. Mais Quentin est particulièrement talentueux. Alors, s'il te plaît, est-ce que tu pourrais nous dire une phrase? Dis un truc gentil sur les Québécois avec l'accent québécois. Bien sûr, je peux faire le scalaise d'accent comme ça. Je peux vous dire, par exemple, que je trouve que les Français sont extraordinaires. Quand tu vas à Paris, quand tu vas à la capitale, tu capotes parce que tu vois constamment les gens qui sont lourds, qui sont ranés comme ça, qui marchent vers la forme aussi. C'est vraiment extraordinaire parce que les gens sont petits, les routes sont petites, tout est petit. Chez nous, on a de la place partout, tout des verres. On a des feuilles de Maple Leaf, là. C'est vraiment extraordinaire. D'ailleurs, ce soir, je vais aller à l'aréna pour aller voir un match d'ice hockey. Je pense que tu vois ce que je veux dire. Tu viendras voir, on ira voir pas de quelques bandes. Mais incroyable du cul, incroyable. Magnifique imitation. Alors je pense mais que là, en plus avec la vitesse, le vocabulaire, tout, vraiment, puis, je pense que nos amis québécois, nos auditeurs québécois seront fiers de toi, Quentin, maître Quentin. Oui, mais la question est-ce qu'on a vraiment des auditeurs québécois? Bah, sur 50 000, c'est la question. On en a quand même, je pense. Après, on a 1 000. Bon bah voilà. Alors du coup, j'ai une dernière question avant de passer la main à 10130 s'il en a d'autres. Je sais que ça fait longtemps que tu voulais aller au Canada. Est-ce que pour l'instant ton rêve se réalise comme tu le souhaites? Est-ce que c'est aussi bien que tu le souhaitais? Très bonne question. C'est vrai que je me suis posé la question et en fait il faut savoir que c'est ce que j'imaginais, exactement ce que j'imaginais, mais en mieux. Ah, parce que incroyable. C'est une atmosphère. Attendez, il faut que je vous raconte quand même quelque chose d'incroyable. Hier soir, on a voulu aller dans un bar pour faire un billard avec ma secrétaire. Et on s'est retrouvé dans un bar, mais vraiment, tu sais, le bar des locaux, quoi, où t'as les mecs qui te fusillent du regard, c'est les cowboys quand tu arrives, ils te regardent. Et on a joué sur un billard immense, bien sûr, mes billards sont plus grands, forcément. Et voilà, t'étais vraiment plongé dans l'ambiance et tout, avec les mecs qui vont aller fumer leur club devant, les grosses bagnoles garées devant et tout. Enfin, c'est incroyable, incroyable. Alors, moi, j'ai une petite question juste pour savoir, est-ce que tu aurais. Trouver des pistes sur le Glovok canadien pour nous renseigner dans... Parce que nous, à Ottawa, on a du mal un peu à le trouver ce soir, mais je pense que d'ici la fin de l'émission, on va réussir à en trouver un. Est-ce que toi, tu as trouvé un Glovok canadien? Est-ce que tu saurais nous le caractériser? À quoi ressemble un Glovok canadien? Alors, il faut savoir que les Glovok canadiens, j'en ai vu des millions. Ce sont des tout petits Glovok qui sont extrêmement pénibles. Et là-bas, ils les appellent les moustiques, ou je ne sais plus comment ils disent. Enfin, des petites bêtes qui volent et qui démontent, qui tapent des morceaux de jambes quand tu vas dans les bois. Vraiment, c'est un vrai bonheur. Le Glovok canadien est très agressif et il t'arrache la face. Voilà, quand tu vas te promener un peu dans son territoire. Mais c'est incroyable. Moi, j'ai eu entendu dire aussi que les Glovok, finalement, les petits Glovok, c'est des petites colonies qui ont été balancées par des Glovok plus gros qui les produisent et que ces Glovok ne se trouvent exclusivement que dans des réserves indiennes. Donc, est-ce que tu as eu l'occasion de trouver des réserves indiennes avec lesquelles tu pourrais interagir et éventuellement fumer, si je peux me permettre, depuis mon petit racisme de français, un petit calumet de la paix? Il le fallait. Hein. Eh bien, écoute, 10130, je suis allé en effet dans une réserve canadienne, enfin dans une réserve indienne, pardon, dans une ville indienne, et en fait, beaucoup de déceptions, parce que moi, je pensais voir un totem, je pensais voir des tipis, etc. Eh bien, ils ont des supermarchés, ils ont des gros pick-up, et ils portent le jean. Donc, tu veux dire qu'ils sont comme déçus. Nous Moi, j'avais lu Tintin en Amérique, si tu veux. Bon, Tintin en Amérique, cet imaginaire comme ça de l'Indien, du calumet de la paix, et ben faut savoir que non, c'est extrêmement décevant parce que les mecs, ils sont presque comme nous. Ils ont pas de plumes. Incroyable. C'est des Américains en fait, vraiment. C'est incroyable. Exactement, mais bien sûr. Voilà, bien sûr. Nous, on a une, on a loué une voiture avec ma secrétaire. C'est une. C'est une... Une grosse Toyota Corolla, tu vois, et ben franchement, on fait vraiment PD à côté des mecs qui ont des roues qui font 6 mètres de large et tout, et qui te doublent comme ça. Brouh, enfin, c'est beaucoup de plaisir et beaucoup de. Ouais, beaucoup de et tu as eu un peu vent de l'amant de Macron? Parce que, bon, en ce moment. Ouais, c'est vrai qu'il est loin maintenant. Mais bon. Non, mais... Ah, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas suivi ça. Mais non, on va l'amant, l'amant de Macron. Justin, ouais. Ah. Justin, tu Justin sais Trudeau. Si ah, le... tu sais si les Québécois l'aiment bien. Le mec qui a été. Non, Justin. Tu parles de qui là? Justin Trudeau. C'est vrai que c'est pas clair. Secours. Justin Trudeau, l'amant de Macron, le beau gosse là. Ah non, mais j'ai pas du tout eu le temps de m'intéresser à la politique canadienne. C'est vrai que j'ai vu bon quelques trucs comme ça sur les journaux locaux. Tu vois, le matin quand j'allais boire mon café comme ça sur Iron Beach avec mon journal. Mais c'est vrai que bon, j'ai pas eu l'occasion vraiment de m'intéresser au truc. Mais bien sûr, de toute façon, on ne t'a pas envoyé là-bas pour la politique. Avant tout, c'est la recherche du Glovoque qui compte. Et puis la volcanologie, évidemment, parce que c'est quand même son. Son dada. Bien sûr. Mais le Glovoque, je l'ai trouvé, hein, je vous le dis. Ouais, je l'ai trouvé partout. Et surtout, ne l'approchez jamais, c'est la pire chose. D'accord. Et est-ce que les Glovoques canadiens sont comme les Glovoques des pays d'Amérique du Sud, mais en plus gros aussi? Genre, ils sont petits, mais gros quand même. Alors, ils sont plus gros. Ils sont, alors, quand même, ils sont plus gros que les Glovoques français, hein, franchement. Ouais, ils font mal. Après, en Amérique du Sud, je sais pas. Je pense qu'en Donc, Glovoque, c'est vraiment devenu officiellement un mot pour dire moustique. Oui, on va dire ça, voilà. C'est ça. Bon. Et puis, aussi, un truc aussi qu'on n'a pas en France. Oui. Et heureusement, c'est que les Canadiens sont extrêmement fiers de déployer le drapeau devant leur maison, sur leur pick-up et tout. T'as le drapeau canadien partout. Ah ouais. Je pense que tu fais ça en France, c'est Naziland. C'est tout. Ils ont peut-être pas le même rapport avec la nation canadienne aussi. Mais oui, mais en même temps, ils ont pas massacré 6 millions de juifs. Ah non, c'est pas eux ça, c'est les nazis, je confonds. Oh là là. Les bas-fonds. Mais les bas-fonds de quoi? Mais c'est vrai, c'est l'histoire, faut l'assumer. Oh là là. Ok. Enfin, non, mais en tout cas, ouais, au niveau de la mixité sociale, si vous voulez, bon, beaucoup de touristes chinois, beaucoup de touristes indiens. Il y a très peu de personnes noires. Très, très peu de personnes noires. Mais j'ai mes frères là-bas. Il y a les frères apparemment de 10130. Bon, ça, c'est pas une info sûre. Ah non, je l'ai pas vu. J'ai pas vu beaucoup de déceptions. Bon, bah, merci beaucoup, Quentin, d'avoir participé de si loin à ce Glovoque. C'était vraiment beaucoup de plaisir de t'avoir. J'espère que ton voyage s'est bien passé et qu'il va continuer à bien se passer, que tu auras plein de choses à nous raconter quand tu vas rentrer et qu'on va se revoir. Bien sûr, beaucoup de plaisir. Merci beaucoup, bon courage et bonjour à tous les auditeurs. Bien que sûr. Je salue, bien sûr. À nos 50 000 auditeurs. À bientôt. Auditeurs. 50 000 auditeurs. Allez, bisous, Quentin, à très vite. Gros bisous. Des bisous, allez. On t'aime. Allez, ciao. Salut. Salut. Au Québec libre, que j'aime ta nature. Le conte de 10130. Quoi ? Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Histoire. Raconte. Les érables rouges. Ceci est une légende. Savez-vous pourquoi les érables rougissent chaque automne? Les hommes blancs croient naïvement que c'est le froid qui explique ce phénomène et qui transforme ainsi nos forêts. Eh bien, ils se trompent! Écoutez donc plutôt l'explication des Wendats. Autrefois, le grand esprit veillait à ce que toutes ces créatures vivent dans un monde heureux. Nul ne connaissait la faim, la soif ou le froid. Tous vivaient en paix. Ce bonheur dura des lunes et des lunes, jusqu'à ce qu'un jour, l'une des bêtes, Ramusqué, fasse une étrange proposition. Ramusqué suggéra d'organiser un concours pour voir quel oiseau volait le plus vite et quel animal de la forêt courait le plus rapidement. Les autres bêtes acceptèrent, voyant là une occasion de s'amuser. Les oiseaux commencèrent. Chacun d'eux s'envola vers le ciel, sous les yeux attentifs de Faucon qu'on avait nommé juge. Sans grande surprise, Aigle remporta la victoire. Vint ensuite le tour des autres animaux. Plusieurs prirent place sur la ligne de départ. Cerf, caribou, loup, lièvre, élan et bien d'autres. Ours tenait le rôle de juge. Le signal du départ fut donné. Tous s'élancèrent dans le sentier traversant la forêt. À la surprise générale, cette fois, le gagnant de la course fut Lièvre. Ce que les autres concurrents ne savaient pas, c'est que Lièvre gagna grâce à une ruse que Renard lui avait conseillée. Grand joueur de tour s'il en est un, Renard avait suggéré aux autres lièvres de se placer partout le long du parcours. Les lièvres se relayèrent tout au long de la course et Cancer apparut au bout du sentier. S'approchant de la ligne d'arrivée, le dernier lièvre surgit sur le chemin et traversa la ligne d'arrivée en quelques bonds, pas même essoufflé. Ours, qui n'avait pas une très bonne vue, ne remarqua pas que le lièvre vainqueur n'était pas celui qui avait pris place parmi les coureurs au départ. Il déclara donc Lièvre grand gagnant du concours. Ce qui avait commencé comme un simple jeu n'était à présent plus drôle du tout. Les esprits s'échauffaient rapidement. Les animaux de la forêt protestaient, critiquaient. Cerf était vraiment furieux. Il s'éloigna du groupe sans tenter de dissimuler sa colère. Ours, mécontent de l'attitude de son compagnon, voulut le rattraper et lui demander de s'expliquer. Mais dans un brusque élan de rage, Cerf fonça sur lui, tête baissée. Il frappa Ours de ses bois. Bam ! Ours subit plusieurs blessures qui se mirent à saigner abondamment. Si Loup n'était pas intervenu, Ours serait peut-être mort ce jour-là. Pourchassé par Loup, Cerf s'enfuit rapidement dans la forêt. Mais le sang d'Ours s'était répandu sur ses bois et tout au long de sa fuite, le sang s'éparpilla sur les feuilles des érables environnants qui prirent une teinte rouge vif. C'est depuis ce jour que Cerf perd ses bois quand les arbres perdent leurs feuilles. Il se retrouve sans défense devant Loup, puni d'avoir fait couler le sang sur la terre. C'est aussi depuis ce jour que les érables rougissent chaque automne avant que leurs feuilles tombent. Le grand esprit rappelle aux animaux et aux hommes la paix perdu. Juste avant de continuer ce Glovok, une petite réclame de notre partenaire, le whisky Lagavulin. Bonsoir, bienvenue à tous pour votre grand quiz Lagavulin. Première question, top, je suis une boisson originaire de l'Écosse. Du Coca-Cola ? C'est non, je suis produit dans les îles d'Islay depuis près de 200 ans. Du Coca-Cola ? Et non, je suis un alcool caractérisé par son goût tourbé et fumé exceptionnel. Voilà. Non, j'ai obtenu cette année la médaille du meilleur whisky de l'univers par le magazine conso Saveur d'Écosse. Je suis... Et non, c'était bien sûr le whisky Lagavulin, notre partenaire. Ce n'est pas grave puisque vous repartez avec une caisse de 16 bouteilles de whisky Lagavulin. A très bientôt pour une prochaine édition. Bravo l'Écosse. Ma petite canadienne, ma petite canadienne, quand je t'ai vu passer tout en dimanche, ma petite canadienne, je t'ai regardé, je bon, t'ai admiré. On va passer à la suite de ce podcast. Alors, en fait, donc je vous rappelle quand même évidemment que nous sommes là avant tout à la recherche du Glovok. Bon. On va s'écarter un petit peu du Canada sur cette prochaine partie, puisqu'on va parler d'un Glovok qui n'est pas spécifiquement canadien. Mais il paraît qu'il y a un Glovok qui serait actuellement sur les côtes du Canada. Je parle donc d'un Glovok marin. On a très peu exploré la piste du Glovok marin. On a peut-être vu, c'était pas en Ouganda, au lac Victoria, qu'on avait croisé un Glovok marin. Effectivement, ouais, il y avait un Glovok aquatique à ce moment-là. Fort puissant celui-là. Fort puissant. Mais, fait de belles révélations. Mais c'est vrai que c'était pas un Glovok marin, c'était plus un Glovok aquatique. Quoi. C'était un Glovok d'eau douce, finalement. Si je peux me permettre. Puissant par l'esprit, quand même. Bien sûr, très puissant par l'esprit. Mais là, en l'occurrence, il y aurait un Glovok, alors selon de récentes études. Je vais vous donner un petit peu la description physique de ce Glovok. Qui serait au large du Canada actuellement. Il serait presque similaire à un cachalot. Un cachalot qui aurait une taille particulièrement grande. Donc le cachalot, hein, vous voyez tous à quoi ça ressemble. Hein. Un cachalot, c'est un très grand cétacé hein, qui est une baleine, grande baleine qui peut faire jusqu'à 18 mètres de long. Qui fait fantasmer absolument tous les gens qui en entendent parler. Mais là, ce Glovok qui ressemble à un cachalot ferait de 18 à 22 mètres et il ferait entre 55 et 60 tonnes. Donc c'est vraiment beaucoup plus que ce que ferait un cachalot normal. Un cachalot normal, voilà, ça fait jusqu'à 50 tonnes quoi, maximum maintenant. Surtout depuis la chasse aux cachalots qui a duré longtemps et qui a fait que les cachalots sont devenus plus petits depuis les derniers siècles. Ah. Ils étaient plus grands, tu vois, au XVIe siècle, les cachalots étaient plus grands en moyenne qu'aujourd'hui. Terrible. Et il est surtout caractérisé par quelque chose de très particulier. C'est que ce glauvoque serait de couleur blanche. Ce qui est extrêmement rare. Extrêmement rare. Hein. On compte quelques cachalots blancs célèbres qui sont connus dans l'histoire. Je vais vous raconter un petit peu quels sont. Moby Dick. Alors, ne va pas trop vite en besogne, parce que Moby Dick, c'était un cachalot de fiction. Donc, même un cachalot, c'était pas une baleine. Non, c'était un cachalot, absolument. D'accord. C'était un cachalot blanc. C'était absolument. Mais on va y venir hein, sur Moby Dick. Mais alors là, d'abord, on va parler vraiment d'histoire. Alors là, toutes les infos que je vais vous donner sont véridiques, vérifiables. Bien sûr, vous pouvez aller chercher sur Internet. Si c'est sur Internet, c'est forcément vrai. Et c'est écrit dans ton livre, surtout. Bien sûr, c'est écrit dans mon livre, c'est vérifiable. il paraît que la communauté de lumière a fait beaucoup de recherches. Bon, pardon, excusez-moi. Donc, on a connu dans l'histoire deux cachalots blancs célèbres principalement. Le premier, il avait été baptisé Mocha par les marins. Il vivait apparemment dans le sud du Pacifique et il a été souvent aperçu près de l'île de Mocha au large du Chili. On date sa première apparition autour de 1810, donc au tout début du 19e siècle. Et il aurait subi plus d'une centaine d'assauts de la part des chasseurs de baleines avant d'être finalement tué en 1838. Il le chassait, mais ils n'arrivaient jamais à le choper. C'est ça. En fait, il le voyait très régulièrement. Il l'attaquait. Ils essayaient de le harponner, mais ça ne fonctionnait pas. Il arrivait à s'enfuir. Mais c'est en 1838 que donc il y a un mec qui a écrit un bouquin qui s'appelle Jeremiah N. Reynolds et qui dit que voilà en 1838 le cachalot Mocha aurait été tué. Je ne sais pas exactement où. Non, c'est pas marqué. Mais apparemment, c'était un cachalot qui était plutôt sympa à la base. Qui aimait bien nager avec les bateaux en paix, mais qui pouvait être extrêmement hostile si on l'attaquait. Ah. Les cachalots, ça a l'air sympa comme ça, mais c'est vrai que ça fait quand même 60 tonnes. Hein. Ouais. Donc, si ça commence ça s'énerve un petit peu, ça peut être dangereux. Donc, est-ce qu'il ne se cachait pas dans l'eau ? Ah, incroyable ! C'est dommage que j'ai pas de rire enregistré pour Glover. Je le fais tout seul. Donc ce fameux Mocha aurait causé la mort de plusieurs baleiniers, mais c'est difficile de savoir si c'était un vrai cachalot ou si une légende urbaine, un truc que les marins se racontent entre eux, même s'il y a un bouquin qui a été écrit dessus, c'est difficile de savoir, d'autant que certains journaux, et notamment le Knickerbocker volume 33, 10 ans plus tard, fait état de la réapparition de Mocha, donc 10 ans après sa mort, supposée. Donc d'accord. Ils disent qu'il est de retour et que l'article se termine par « Viva Mocha !» Tout le monde est content que Mocha soit toujours là. Bon. Et ça vit combien de temps un cachalot en moyenne ? Ça vit, ça peut vivre jusqu'à 70 ans. Je crois que ça vit entre 60 et 70 ans. Ah oui, c'est, ans. Donc c'est à peu près. Une espérance de vie humaine, quoi. À peu près, ouais. Un peu moins, mais bon, voilà. En 1800, ouais. Un peu plus. Ouais, ouais. Mais voilà, alors ça, c'est le premier cachalot blanc qui est répertorieux. Le deuxième. Alors le deuxième, on ne sait pas, on n'a pas d'histoire le concernant, on a juste la date de sa mort en fait, précisément. C'était le 21 août 1952 et c'est un vaisseau baleinier qui s'appelle l'Anglo-Norse, qui est un navire anglais. Français, bien entendu. Je sais que c'est bizarre, mais ouais, effectivement, c'est un navire français. Gros connard. Et donc, il aurait été capturé au large du Pérou. C'est un cachalot blanc de 55 tonnes qui avait la particularité d'avoir la mâchoire courbée comme une faucille. Donc, est-ce que ce serait aussi une autre caractéristique à rajouter au glauvoque ? C'est possible. Vous pouvez constater lire à ce sujet l'article du Harvard Crimson, daté du d'août 1952, qui fait état de cette capture, bien sûr. Il paraît qu'une photo existerait de ce cachalot blanc, mais je n'ai pas réussi à me la procurer. Mais apparemment, elle existe, c'est ce que dit l'article. Dans les archives de Harvard Crimson. Harvard Crimson. Donc, l'existence des cachalots blancs est avérée. Alors, on a longtemps cru que c'était un mythe. Je vous rappelle d'ailleurs à titre complètement informatif qu'aujourd'hui un certain nombre de pseudo-scientifiques affirment que le glauvoque est également un mythe. Certaines études récentes. Et nous, on a la vérité, monsieur. Oui, absolument. C'est... Je me calme. Certaines études récentes, et quand je dis études récentes, je parle bien sûr de mes propres études, tentent à démontrer que ce soi-disant cachalot blanc ne serait d'autre qu'un spécimen très rare de glauvoque. Et on m'a récemment informé qu'un individu serait donc actuellement au large du Canada. En tout cas, qu'il y reviendrait tous les étés quand la température le permet. Parce qu'en fait, il y a un truc, c'est que les cachalots migrent un petit peu. Les femelles restent souvent dans les eaux tropicales parce qu'elles sont avec les bébés. Elles n'ont pas envie d'emmener les bébés en voyage. Je comprends. L'avion et tout, c'est très, très compliqué quand on est enceinte. On ne le conseille pas. Alors que voilà, les mâles, quand c'est l'été, que les eaux du monde un peu partout deviennent chaudes, c'est vas-y, la fête. Vas-y, vas-y, que je vais à Ibiza. C'est ça, c'est les vagues, exactement. Que je vais tromper ma femme. Et bien sûr, on connaît. Donc voilà, tu parlais tout à l'heure de Moby Dick. Et effectivement, s'il y a bien un récit qui parle de cachalot blanc, c'est Moby Dick. Donc Moby Dick, je vous rappelle un petit peu, c'est un roman de 1851 qui est écrit par Herman Melville et qui a la particularité d'être extrêmement documenté. C'est quasiment un documentaire, en fait. C'est quasiment un documentaire sur la pêche au cachalot, à la baleine de manière générale. Donc c'est effectivement très intéressant. Donc comme je voulais étudier le comportement des cachalots et du cachalot blanc et donc du glauvoque, j'ai commencé à lire ce roman. Tu as la foi, garçon, parce que c'est gros. C'est un gros roman. C'est aussi gros que le Canada. Mais je le conseille à tous ceux qui. À tout le monde, en fait. Je le conseille vraiment à tout le monde. C'est un excellent livre. Tu es la première personne qui conseille aux gens de lire Moby Dick, franchement. Non, mais c'est vrai. Qui t'a déjà conseillé mais de lire Moby Dick ? Mais tout le monde ! Mais personne ne fait ça. C'est un classique. C'est un classique, mais c'est pas pour autant que les gens vont te dire c'est génial, il faut lire Moby Dick. Non, les gens disent plutôt chez Melville, les gens disent oui, commence par Battle Bee. Ouais, non, mais non, il faut commencer par Moby Dick direct. Je sais pas, moi j'ai jamais lu Herman Melville, c'est mon premier Melville, donc je ne suis pas au courant. Herman Melville, c'est plus court, c'est presque une nouvelle en fait. Ouais. Ouais, mais il était marin, donc il a écrit beaucoup de trucs sur la. Ah, il était marin Il a été marin, ouais, Melville, ouais, il a été marin. Très bien, donc c'est un Breton, c'est un frère. C'est un frère, mais c'est un New Yorkais à la base quand même. C'est un Breton. C'est un Breton New Yorkais. Un Breton américain, un bras américain. Donc je vous résume rapidement le roman. Le roman, donc, c'est l'histoire d'Ismaël, qui à la première Ismaël. Personne. Ismaël, bien sûr. C'était le premier fils d'Abraham, c'est ça, Ismaël, non ? Absolument. C'est ça. Donc Ismaël qui est un petit peu un badaud. C'est pas le premier fils d'Abraham. En fait, c'est le fils. Celui contre qui toutes les nations devaient se liguer, c'est ça, je crois. Mais en fait, c'est plus le. Comment dire ? C'est l'alter ego d'Isaac. Ouais. C'est en fait, chez les catholiques et les juifs. C'est Isaac, le fils qui est né après, je sais pas, Abraham va 90 ans et quelques. Et chez les musulmans, Ismaël, c'est le fils d'Abraham. C'est ça la différence fondamentale entre les. Ah mais oui, parce que le truc, je crois que c'était sa femme était stérile, non ? C'est ça. Et du coup, il y a eu 10 ans passés. Voilà. Bon, hors de ces considérations bibliques. Donc l'histoire, c'est donc ce monsieur Ismaël qui est un type qui est plus ou moins un marin de marine marchande, qui décide de s'engager sur un baleinier parce qu'il a envie de vivre l'aventure, quoi. Et il s'engage sur un bateau baleinier qui s'appelle le Pequod sur une campagne de 3 ans. Et il y va avec un capitaine qui s'appelle le capitaine Achab. Qui est un personnage extrêmement sombre. Achab. Alors mais moi, ça me fait penser. Moi je dis Achab du coup, mais je dis pas Achab parce mais que Achab ça me fait trop penser à All Cops or Bastards. Ouais, mais moi c'est moi je dis Achab parce que je n'ai peut-être pas lu Moby Dick, mais je l'ai vu le dessin animé Moby Dick quand j'étais plus jeune. Et effectivement, il y avait le capitaine Achab qui était un fils de pute fini. Ben voilà, c'est pas un fils de pute mais fini. Mais dans le dessin animé, c'était le méchant. Ouais, c'était le méchant. Il était échangé chaque fois de niquer Moby Dick. Il y avait des enfants qui essayaient de sauver Moby Dick et de le protéger, etc. Mais Achab, c'était le grand méchant, en fait. C'était un espèce de Cousteau mauvais. De méchant Cousteau. Ouais. D'accord. Mais oui, mais du coup, mais même dans le roman, même dans Moby Dick, il est quand même assez particulier. C'est un personnage très sombre. Il a une jambe qui est coupée, du coup, qui a été arrachée par Moby Dick. C'est ça. Donc il a une vengeance particulière. Voilà. Une vengeance personnelle à régler. Et donc voilà, Ismaël se retrouve dans ce navire. Et il est en plein large. Et là, le capitaine Achab lui dit maintenant, il faut aller tuer Moby Dick. C'est ça notre objectif. C'était ça depuis le début. Je vous l'avais pas dit, mais en fait, voilà, c'est comme ça que ça va se passer. Et il se retrouve là-dedans. Et il découvre tout cet univers des baleiniers. Et donc, plutôt que de vous ennuyer trop longtemps avec des histoires, des développements scientifiques sur le glauvoque, tout ça, j'avais envie, comme je suis en train de lire ce roman, de vous faire découvrir un petit peu l'univers de la chasse à la baleine tel qu'il pouvait être au 19e siècle. Donc ça ne va pas être un dossier très, très vegan-friendly, on ne va pas se mentir. Il faut comprendre aussi, il faut remettre les choses dans leur contexte. Les nazis avaient leur raison, les colons aussi, les négriers aussi, les baleiniers aussi. Mais du coup, d'ailleurs, Moby Dick parle assez souvent de la situation sociale en fait, des mers par exemple, où ils croisent justement des négriers qui sont souvent des connards qui vont très vite et à qui ils ne parlent jamais. les marines militaires sont en général des types qui sont très protocolaires et qui du coup ne t'arrives pas à échanger avec eux. Et finalement, les plus sympas, c'est les marchands, ils sont sympas, mais sans plus. Par contre, les pirates et les baleiniers sont des gens globalement cordiaux entre eux, si tu veux. D'accord. Voilà. Ouais, on est entre gens bien. Mais il y a plein de choses sur Moby Dick. Il y a des personnages africains qui sont mais sur tu le. Tu me donnes envie de le lire. Mais je sais, mais c'est exact. C'est pour ça que je. Au secours ! Je fais ça. Je ne veux pas lire ça. C'est trop gros. C'est la Bible. Et là maintenant. En plus, j'ai plus d'ordinateur depuis aujourd'hui, donc bon, il faut que je finisse déjà mes comédies de Shakespeare. C'est mon ordinateur. Tu m'as cassé mon ordinateur, 10130. Ton ordinateur, il était tout pourri. Ouais, mais voilà, on règle nos comptes en direct. Ouais, on règle nos comptes en direct. Allez. Tu veux que je mette un extrait de ce que tu disais tout à l'heure ? Allez. Non, parce qu'il y a mon nom, il y a mon prénom et on garde quand même notre identité secrète. Bon, alors voilà, je vais vous faire découvrir un petit peu l'univers de la chasse à la pêche, chasse à la pêche de la tradition, la chasse à la baleine. Et comme une image vaut mieux que mille mots, je vous propose, en un millier de mots, de vous forger en vous une image de ce que pouvait être la chasse à la baleine au 19e siècle. Je veux donc que nous voyagions pas seulement dans l'espace, mais aussi dans le temps. 10130, les auditeurs qui sont avec nous, je vais vous demander de fermer les yeux, de vous concentrer. Nous sommes donc en 1840. Il est midi. Sur le port de Nantucket. La chaleur de l'été ramasse et amplifie les odeurs du marché. Oh, j'en peux plus. Oh, ça pue le poisson. Oh là ça là, c'est dégueulasse. Les poissons, les morues. Oh. Les poissons, les morues, les épices. Oh, les gens bourrés et tout, au secours. Il est midi, les mecs. Rentrez chez vous. Voilà. C'est la fin de ce dossier. Merci beaucoup. Merci à tous d'avoir suivi. C'était 10130. Mais je suis dans le passé. Et il a chaud, hein. Mais c'est vrai qu'on est, on est dedans. Donc voilà. Regarde le nègre là. Il est avec la femme et tout. Qu'est-ce qu'ils font? Ils travaillent. Non, oui, mais oui. Abattez-les. Il n'y a pas de femme. On est sur le port de Nantucket, 10130. Mais si, elle achète des trucs. Oui, elle vend des trucs peut-être. Elle vend des trucs. Bon, d'accord. Et bon, le nègre, il sert à rien. Laisse-moi faire ma description, s'il te plaît. Vends-le. Laisse-moi faire ma description. Plus cher. Pitié, au secours. Oh, on est en 1840. Putain, mais je veux faire un truc immersif et tout. Reconstitution putain. Fidèle. Mais ouais, oh là là. Et là, l'autre, il dit, il y a des nègres dans la rue et tout. Putain, j'en peux mais plus, oui, quoi. Mais ils sont dockers, les mecs. Ils sont solides. Bon, attends. Nous sommes en 1840. La chaleur de l'été ramasse et amplifie les odeurs du marché, les poissons, les morues, les épices arrivées le matin même d'une campagne aux Indes, les fruits d'Amérique du Sud, les venaisons séchées du continent, et bien sûr l'éternel parfum de l'océan qui va et qui vient au gré du vent et de l'écume. Nous sommes donc tous les deux, 10130, tu es très bruyant, marchant côte à côte sur la grue du Grand Port. Oh, côte à côte, j'en peux plus de cette chaleur, je souffre. Nos pieds se collent sur les pavés humides, recouverts du sang des poissons, des fientes de mouettes, de sable, de boue, de tous les miasmes qui nourrissent les rats venus des cinq continents. À quai, des dizaines de voiliers, quelques navires marchands, un ou deux négriers, mais surtout des navires baleiniers à quatre mâts, revenant de campagne ou s'apprêtant à partir pour de nouvelles croisières. On repère facilement lesquels reviennent, ceux-là sont éprouvés par les années en mer, la coque blanchie par l'acidité du sel et zébrés de rouge par la rouille. Les marins qui ne reviennent pas de l'église transportent des barils remplis de viande. La population est d'ailleurs un peu surprenante, les continentaux sont rares. La plupart des marins sont originaires de l'île, mais beaucoup d'entre eux viennent de terres exotiques. Et il est impossible de deviner leur origine à tous. Oh, un nègre. Certains sont des un Indiens, négrier. Ayant fui les colons un américains. Négriard. D'autres, des Africains, des Polynésiens, des Péruviens, des Espagnols, des Français, des Comoriens, des Perses. Ce n'est pas la gloire... Oh, un Babtou. Ce n'est pas la gloire ou la fortune qui a conduit les marins sur Nantucket. Ils sont tous venus pour fuir quelque chose ici. À quelques kilomètres seulement de New York, les lois et la morale n'ont plus cours. Ils planent sur le port, un vent chargé de sel et de liberté. Une liberté amère, rancunière, misérable, mais une liberté unique. Alors Nantucket, c'était une île du coup, voilà, qui est au large de New York et qui, en gros, était le centre vraiment des baleiniers. C'est là où commence le roman Moby Dick, c'est là où tous les baleiniers encore allaient, et c'est aujourd'hui encore visité, l'île de Nantucket. Vous pouvez aller d'ailleurs voir sur Google Maps l'expérience que j'ai tentée moi-même, qui est vraiment une expérience très nulle. Donc vous pouvez le faire, mais je ne vous conseille pas. Il se passe rien là ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a que des bobos qui ont pris. Non, parce que pourquoi est-ce que les gens chassent le cachalot ? Ça, c'est une question. Parce que, pour l'argent. Oui, pour l'argent, bien sûr. Mais pourquoi spécifiquement le cachalot ? Oui, pour aller à la rue et vers l'or, il pourrait faire plein de trucs. Pour la peau ? Non. Pour les dents ? Non. Pour le sperme ? Presque. C'est marrant, j'ai l'impression qu'on a parlé de ça plus tôt. Non, mais c'est pas eux qui produisent de l'ambre dorée ou je sais pas quoi. Alors exactement, en anglais, le cachalot, ça se dit sperm whale. Donc c'est pas parce qu'ils pratiquent le bukkake, mais c'est parce que la tête des cachalots contient un liquide dont la texture et la couleur se rapprochent du sperme, et on a longtemps cru que c'était le sperme du cachalot qui se trouvait dans sa tête. En fait, maintenant ça s'appelle le spermaceti, et depuis le 16e siècle, le spermaceti est utilisé pour la fabrication des bougies, du savon, de l'huile de moteur et de l'huile de lampe. Donc ça a forcément un intérêt économique très grand. D'accord. C'est utilisé dans plein de produits quotidiens. De la cire naturelle. Absolument. Et chaque cachalot, dans sa tête, il peut avoir jusqu'à 4 tonnes de spermaceti. Ah ! 4 tonnes. Ah ! C'est beaucoup, 4 c'est tonnes. C'est énorme. Ça peut te rendre riche très vite. Bah, je sais pas si ça se vendait si cher que ça. À mon avis, quand même, même si ça coûte 10 centimes le kilo, 4 tonnes. Ouais, mais fallait en tuer pas mal quand même, des cachalots, parce qu'ils avaient des barils, les mecs, c'était pas des petites campagnes d'une semaine ou deux, hein. C'était des 4 ans, 5 ans, ça durait longtemps. Hein. Oh là. Ouais, ça rigole pas. Ça fait longtemps qu'on a commencé quand même le massacre. Bon, 10130, les baleiniers veulent vivre. Et ils prennent du spermaceti à cause de... Ouais, mais tu sais bien que j'ai une position un peu délicate. À la fois, bon, je fais le malin, oui, c'est pas bien, mais en même temps, est-ce que ça valait vraiment le coup ? Est-ce qu'on n'aurait pas pu inventer la bombe nucléaire plutôt ? Ça aurait réglé tous les problèmes. Bravo ! Merci. Voilà, le méga... Tout le monde sur le port est en train de se lever pour t'applaudir. Oh, merci ! Merci ! Merci, jeune sale ! Ouais, voilà, nous, 10130, c'est pas ça qu'on veut. Nous, notre vie, c'est la science. Et nous devons chercher le Glovok. Il paraît donc qu'un individu de cachalot blanc rôderait cet été dans l'Atlantique Nord. Et il y a sûrement des navires baleiniers sur lesquels nous allons pouvoir nous enrôler. Donc il est temps maintenant, 10130, d'aller nous enrôler sur un navire baleinier. Et j'ai envie de... Parce qu'il y en a plein, il y en a, tu vois, il y en a des dizaines partout. On a le choix, enfin, on en a tellement des baleiniers. Alors... Moi, j'ai envie de te demander sur quel navire est-ce qu'on va aller, 10130. Est-ce que j'ai le choix ? Ah bah oui. Est-ce que je dois donner le nom du navire ? Oui, je veux le nom du navire. L'amour. C'est vraiment ça le nom définitif de notre oui, navire ? Oui, parce que avant de venir dans le passé, j'ai quand même aimé le Québec. Ah, et tu penses que c'est un petit hommage au Québec ? L'amour. Ok, l'amour. Ou plus spécifiquement, l'amour blanc. L'amour blanc, c'est incroyable. Très bien. Et cet amour blanc, il a un capitaine, je suppose. Est-ce que tu peux nous dire comment il s'appelle ? Nous faire une petite description physique, peut-être, de ce capitaine ? L'amour blanc est commandé par un capitaine très frêle, qui ne paye pas de mine, mais qui a un coup de poing surpuissant. Donc il s'est imposé dans la marine en tabassant des gens. Parce que tout le monde a cru qu'il pouvait le dominer. Et ce garçon, il s'appelait Edward Van Buten. Edward Van Buten. C'est quoi ? C'est un Africain du Sud ? Bien sûr. Ah, intéressant ça. Magnifique. Donc c'est là-dessus qu'on va s'enrôler. Donc on va signer les papiers et tout. Et 10130, Je précise quand même qu'il est Africain du Sud, mais il est nègre. Oui. Ah bah bien sûr. Oui. Ah bah, bien sûr. Mais il voilà, y a des nègres quand même qui peuvent être capitaines, je pense. Bien c'est sûr. Possible. Les harponneurs surtout, parce que bon... Ah oui. On va pas se mentir, à l'époque, si un nègre était libre, c'est qu'il savait se battre. Mais bien sûr. Donc, et lui, il a racheté sa liberté à coups de poing. Et voilà. Parce que tout le monde a cru qu'il tu es fragile, tu ne peux pas faire les cotons. Je vais te faire nègre de maison. Du coup, il a appris le violon, il a lu des livres, il a commencé à apprendre. Et petit à petit, il est devenu capitaine de l'amour blanc. De l'amour blanc. Douce ironie pour un homme noir. Bon, ça y est, 10130, nous sommes à bord de l'Amour Blanc. On quitte à peine le port de Nantucket. Et dès la sortie du port, un marin grimpe tout en haut de la vie. Est-ce que tu veux monter à la vigie 10130? Oui. Allez, tu veux aller, parce que vous comprenez bien qu'il est inconcevable pour un baleinier de faire quelques mètres en mer sans envisager la possibilité qu'une baleine apparaisse à l'horizon. Mais oui, toujours. Donc dès qu'on sort du port, il y a immédiatement un mec qui va se mettre à la vigie et qui va scruter comme ça l'horizon, voir s'il n'y aura pas une baleine quelque part qui pourra harponner et tuer, et ça va être un moment terrible. Ah bah si c'est à 200 mètres du port, c'est encore mieux. On se met bien tout de suite. Et donc pendant les prochaines années, tous les jours, les marins vont se relayer pour que chaque jour et chaque nuit, l'homme scrute l'horizon, prêt à avertir l'équipage du moindre mouvement suspect. Le matin même, l'équipage est rassemblé sur le gaillard arrière avec le capitaine, les seconds, les officiers, les harponneurs et les marins, en tout une vingtaine de paires de bras. Et là, le capitaine s'apprête à faire un discours. Que va-t-il être ce discours? Est-ce que tu vas faire le capitaine qui fait un discours? Tu motives les troupes. Là, on part en campagne pendant 4 ans. Là, il faut motiver les gens. Messieurs, bonjour. Salut à tous. Bienvenue à Je tous suis sur l'amour votre blanc. Capitaine Edward Van Buiten. Et vous êtes à bord du plus grand, du plus beau et du plus puissant navire à la conquête de toutes les baleines du monde, l'amour blanc. Oui, je sais, vous avez vu, on m'a tous vu, dans le noir, on ne me remarque pas. Et pourtant, c'est comme ça que je domine les mers. Et pourtant, c'est comme ça que vous me respecterez. Si l'un d'entre vous pense qu'il peut me prendre, qu'il vienne maintenant. S'il sait qu'il ne réussira pas à prendre la place du capitaine que j'ai obtenu au bout de 30 ans de combat, alors vous vous écraserez tous et vous m'écouterez. Vous m'écouterez parce que je connais, parce que je sais, parce que j'ai fait. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà abattu, dans mes 30 dernières années, 7 cachalots. 7. Non, c'est plus, beaucoup plus. 700 voilà. Cachalots. 700. Oui, je sais. Je ne serai pas dans les livres d'histoire. Personne ne se rappellera de moi. Mais les gens se rappelleront de vous et de l'équipage de l'amour blanc. Parce que nous sommes des guerriers. Parce que nous sommes des conquérants. Parce que nous sommes des humains. Et en tant qu'humains, nous sommes maîtres et possesseurs de la nature. Je vous rendrai riche, je vous rendrai fier, je vous rendrai grand. Alors, tous avec moi, partons à l'aventure et trouvons le cachalot qui deviendra le dernier de tous nos combats. À l'aventure, à l'abordage et au cachalot! Au cachalot! Tout l'équipage est fou de joie après ce discours galvanisant qui a commencé comme une menace mais qui a finalement fini comme un vrai discours. Bon, effectivement, je vous veux à la cale d'ici un quart d'heure. Mais avant, je tiens à vous montrer que je suis un capitaine juste. Et avant que chacun aille à son poste, regardez, il y a en face de vous 10 barils de rhum. Je veux que dans les quarts d'heure, ces barils de rhum soient terminés. Après cela, on est parti pour dominer les mers et pour ramener à la maison 4 tonnes de sperme. 4 tonnes de sperme, les gars! Au sperme! Ça y est, la nuit tombe au large de la côte est américaine. Les matelots s'en vont ronfler dans leur hamac. Quelques-uns restent sur le pont, jouant aux cartes, buvant, toujours vigilants, à l'horizon. Pendant les 4 prochaines années, ce sera notre quotidien, 10130. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Voilà. Tu me sers un verre? Oui, ils ont une guitare sur ce navire. Incroyable. Bien sûr. Qu'est-ce qu'on pourrait chanter? Ah, j'ai une idée. Dites, second Vladilopoulos. Dites. Ils m'ont dit que j'étais un blaireau, que le Glovox est du mytho. Plutôt que de leur foutre une rouste, pour la science j'ai pris la route. Je suis parti à l'aventure, braver les dangers, l'horizon, traquer le glos vainqueur du Canada, là-bas, très loin de chez moi. Mille docteurs à sans mémoire, un gros lâche sans être en croix. Chasseur nature immigrante, compte à compte sur 10130. Je suis parti à l'aventure, braver les dangers, l'horizon, traquer le globe du Canada, là-bas, très loin de chez moi. Il n'y a que les gens sérieux qui mentent les yeux dans les yeux. Avec le globe, pas de doute, même si personne nous écoute. C'est vrai que le monde est dégueulasse, mais pour y mettre un peu d'audace, faut croire en quelque chose même si c'est faux. Je suis parti à l'aventure, braver les dangers, l'horizon, traquer le globe que du Canada, là-bas, très loin de chez moi. Je suis parti à l'aventure, braver les dangers, l'horizon, traquer le globe que du Canada, là-bas, très loin de chez moi. Là-bas, très loin de chez moi. Là-bas, très loin de chez moi. Allez! Oh, bravo! Bravo! Incroyable! Bravo, second Vladilopoulos, bravo! Oh non! Déjà! Au secours! Allez, on y va, on y va, on y va, les gars! Tous dans les baleiniers, je suis que ça bouge, allez! C'est parti! Sortez les harpons, on est bon ou pas, on est bon! Allez, souquez! Souquez, bande de bâtards! Je veux que vous souquez jusqu'à vous déchirer les muscles, bande d'enculés! Souquez! Allez! Allez! Bien, bien, bien! Sur ces eaux depuis plus de 10 000 ans. Je suis Mocha, je suis Moby Dick, je suis tous ceux que les hommes ont appelés le cachalot blanc. Pendant 3 siècles, j'ai été pourchassé au même titre que mes frères et mes sœurs cétacés, et aujourd'hui encore, certains d'entre eux tombent sous les harpons des braconniers dans tous les océans du monde. À chaque cri de détresse qui transperce le monde des eaux, à chaque saignée, à chaque coup de filet, c'est un peu de mon âme qui s'en va et de rage qui s'en vient. Je ne peux blâmer les actes de votre peuple, car vous êtes aussi faible et aussi puissant que chaque espèce qui vit dans ce monde. Je ne peux vous juger, je ne peux vous haïr ni ne peux vous aimer. Mais souvenez-vous, en toutes circonstances, que dans l'infinité de l'espace et du temps, où que vous vous cachiez, que vous soyez coupable, complice ou même innocent, souvenez-vous que pour les crimes que vous avez commis à l'encontre de mes semblables, moi, le Glovok des mers, protecteur des océans, je peux vous punir. Ce n'est pas une plainte, ni même une menace. C'est un avertissement. Vous irez porter ce message sur le continent, et vous ferez en sorte qu'il soit entendu par tous. Ne prenez plus la mer, laissez-moi en paix. Adieu. Ah! Quelle aventure 10130! Quelle aventure. Incroyable ce qui vient de nous arriver. Hein, c'est le 19e siècle, le meilleur siècle. Le siècle de la chasse, le siècle de la violence. Bon, je voulais quand même préciser que ce dossier a été très grandement inspiré du roman Moby Dick d'Herman Melville que je conseille à tous d'aller lire si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Et n'hésitez pas à partager notre chanson sur les réseaux sociaux, bien sûr. Bien sûr. Incroyable. Bon. Du Canada. Alors, on va là-bas, terminer. Très loin de chez moi. On va finir par conclure ce Glovoque, par pitié, il est très tard, ça fait à peu près 3 heures qu'on enregistre ce Glovoque, en vrai, ah ouais. Ça fait bien 3 heures je pense qu'on enregistre ce Glovoque. Il va être temps de conclure avec le triple Q de 10130. Le triple Q de 10130, est-ce c'est que j'ai un parti. Q, est-ce que j'ai deux Q, non j'ai trois Q. Il a trois Q, mesdames et messieurs. Attention mesdames et messieurs, le triple Q est fièrement sponsorisé par notre sponsor officiel. Lagavulin. Lagavulin. Est-ce qu'on met une pub Lagavulin parce qu'on on a peut-être pas une petite réclame Lagavulin. Petite réclame Lagavulin pour se remettre de nos émotions. Allez. Dis papa, c'est quoi être un écologiste? C'est très simple ma chérie. Être écologiste, c'est faire des gestes pour la planète. Et toi papa, quel geste tu fais pour protéger la planète? Moi chérie, j'achète du whisky Lagavulin. Le whisky Lagavulin est produit de manière traditionnelle sur l'île d'Islay à l'ouest de l'Écosse depuis 200 ans. Pour chaque bouteille de whisky Lagavulin achetée, c'est 1 euro qui est reversé à la lutte contre la déforestation en Écosse. Alors tu vois chérie, c'est pas si compliqué l'écologie. Et moi papa, je peux aussi avoir du whisky Lagavulin ? Bien sûr ma chérie. Tiens, sers-toi un verre. Merci papa. Bravo l'Écosse. Incroyable, merci Lagavulin, bravo l'Écosse. Bravo l'Écosse et bravo le Kipo Quiz qui nous offre ce soir un excellent et jeu. Du coup, c'est questionnaire. Vraiment, t'es vraiment sur Kipo Quiz. Mais bien sûr. Oh là là, t'as pris. Donc c'est vraiment ça. Je pensais que t'avais fait un quiz, mais en fait non. Mais non, bah, bien sûr que non. Ah d'accord. Non, j'ai pas eu le temps. L'ordinateur qui t'appartient, qui m'appartient à moitié, ouais. A été. Okay, comment ça, qui t'appartient à moitié? Tu rigoles ou quoi? C'est mon ordinateur, je te l'ai prêté. Qui m'a été prêté à déconner. Donc, j'improvise un petit Kipo Quiz sur le Québec. Le triple Q, donc. Kipo Quiz Québec. Alors, on y va. Est-ce que tu es prêt? Je suis prêt. On y va. Première question. Alors, sache déjà que les questions vont porter elles sur. Elles sont aléatoires, du coup. Oui, mais elles vont porter donc sur. Donc, toi-même, tu ne connais pas les réponses. Évidemment. Donc, on joue ensemble. N'hésitez pas à jouer aussi chez vous, hein. On est les d'accord. Auditeurs, bien sûr. Et ça va porter sur les expressions québécoises. Ah ouais, d'accord. Et je ne me suis pas du tout renseigné en avance. Mais évidemment. Du coup, finalement, ton truc de tout à l'heure, de genre les régions, il fallait savoir qu'il y avait 11 régions au Canada, ça ne sert à rien. Non. Putain, je suis dégoûté, je l'avais retenu, tu vois. Ah bah c'est pas grave. Est-ce que vous l'aviez retenu? Dites-le-nous dans les commentaires. C'était 11 provinces. Provinces, pardon. 10, ouais. Et 11 pointes de feuilles d'érable. Tu confonds tout et tu. Oh, mais c'est compliqué. Ta hein. Gueule. Allez, on y va. Question numéro 1. Oui, vrai ou faux? Quelqu'un qui swingue dans le beurre danse mal. Qui swingue dans le beurre? Qui swingue dans le beurre. C'est vrai ou. Je dis que c'est faux. Ça paraît trop évident. Alors, je mets faux. Et bravo, bonne réponse. Ah, bravo. En effet, l'expression franglaise « swinguer dans le beurre » n'a aucun lien avec la danse. Elle signifie « donner un coup d'épée dans l'eau, manquer son coup ». Comme ce que tu as fait tout à l'heure en essayant de draguer cette fille dans la rue. Je t'ai vu, harceleur, je t'ai vu. Alors, on va éviter de parler de choses comme ça. 1130, là, maintenant. Est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de me faire call-out sur PodCloud? Non, mais en tout cas, tu as swingé dans le beurre ce soir. On va continuer tranquillement sur la prochaine question. Vrai ou faux? Être gelé peut aussi vouloir dire être sous l'influence de la drogue. Vrai ou faux? Être gelé? Être gelé. Gelé? Ah oui, bah oui, oui, ça c'est vrai. Alors, j'ai vu des films américains quand même. Et bravo! Bien sûr, effectivement, être gelé signifie bien sûr souffrir du froid, mais aussi être sous l'influence de la drogue, être défoncé! 10130 qui s'emballe ce soir. Défoncé! Absolument pas gelé. Il n'est pas gelé, non, il n'est pas gelé. On n'est pas gelé ce soir. Juste de bonne humeur parce que le Glovoque du Canada quand même. La chanson met de bonne humeur. Allez, on continue. Très rapidement, vrai ou faux, le un péteux de brou. Un péteux de brou. Un péteux de brou. C'est quelqu'un qui brise la fête ou qui nuit aux réjouissances. Vrai ou faux ? Un péteux de brou. Alors, qu'est-ce que. Un péteux de brou ? Ça s'écrit comment, brou ? Excuse-moi, je veux des détails linguistiques. B-R-O-U-E. De brou. Ah, la brou, c'est pas cet instrument de musique, justement, qui est très célèbre en Auvergne et qui a été hérité. Au Canada, donc ça veut dire que s'il pète la broue, ça veut dire qu'il casse l'instrument de musique, donc ça veut dire qu'il casse l'ambiance, donc ma réponse est oui. Rabat-joie, alors je mets vrai. Mauvaise réponse, désolé. Un pété de broue est rien d'autre qu'une personne vantarde qui fanfaronne comme... Un péteur de broue, d'accord. Un péteux de broue. Un péteux de broue. Ah, péteux, il y avait péteux dedans. Un pété de broue. Ah ouais. Je sais pas comment ils font avec l'accent. Non, n'essaye pas. Oui, n'essaye pas, ça va mettre tout le monde mal à l'aise. Du coup, effectivement, moi-même, je suis un péteux de broue puisque je suis une personne vantarde qui fanfaronne. Effectivement. Continuons. Affabulateur. Affabulateur. Flagorneur. Attention, vrai ou faux, l'expression « ferme ta boîte » sert à demander à quelqu'un de faire ses valises et de partir. Vrai ou faux ? Ferme ta boîte. Je dis oui. Je dis vrai. Et moi, je dis faux. Je pense d'accord. que c'est plutôt « ferme ta gueule ». Mais tentons. Désolé, mauvaise réponse, l'expression « ferme ta boîte » est synonyme de « tais-toi, boucle-la, ferme-la ah, » Écoute, et j'ai voulu tenter. Et c'est 1130 qui a réussi. On n'a pas, pas compté les points. Oh. Bah non, mais bah, il peut être... je joue pas, c'est toi qui joue. Ah ouais, d'accord. Bah, oui. Et bien sûr, vous, jouez chez vous. Dites-nous dans les commentaires si vous avez trouvé la bonne réponse. On interagira avec vous. Bien sûr. On répond à tout. On est débordés, mais vous pouvez y aller. Mails et tout, on n'en peut plus. Bref, vrai ou faux, lorsqu'on dit « accouche qu'on baptise », je cite, accouche qu'on baptise, on demande sèchement à quelqu'un de se dépêcher. Alors, une petite précision pour les auditeurs qui découvriraient ce podcast. Effectivement, 10130 a la fâcheuse tendance de prononcer toutes les lettres d'un mot. Donc, ne vous étonnez pas d'entendre dire baptiser. C'est normal, ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que j'ai dit ? J'ai dit baptiser. T'as dit baptiser. Ouais. Ah, j'ai pas dit baptiser. Mais non, t'as dit baptiser. Excusez-moi, je vais continuer à apprendre le français avec mes collègues québécois. Ce n'est pas ma langue maternelle. Oui. Bon. Le français n'est que ma troisième langue, après tout. Excuse-moi. Non, mais je précise. Le mépris. Mais c'est pas du mépris, je précise pour les auditeurs. Ouais. C'est comme ça. Ça aurait pu être un accent auvergnat. Il n'aurait jamais su. Mais si j'ai un accent auvergnat, à n'importe quel moment, n'hésite pas à le faire savoir. Bien sûr, parce que tu bois du lait. Bois du lait. Comme un lyonnais. Bon. Bref, alors la question, donc je la répète, lorsqu'on dit. Accouche. Oui, j'ai entendu. Baptise. Accouche qu'on baptise, ça veut dire dépêche-toi. Bah oui. Allez, on est vrai. Et oui, bravo, bonne réponse. L'expression accouche qu'on baptise est une façon très directe et impatiente de demander à quelqu'un de se dépêcher. En France, ce serait le synonyme de crache ta valda, fils de pute. Bref, oh là là là là là là. Ça y est, on est passé dans la deuxième phase de Glovoque. Vous la connaissez, cette deuxième phase de Glovoque. Parle en live. Allez, on continue. Vrai ou faux ? Mais alors, c'est infini finalement ce quiz, parce qu'on peut ne jamais s'arrêter. Mais non, c'est la question 6 sur 15. Ah d'accord, ok. On peut s'arrêter à la dixième question si tu veux. Non, continue. Non, bah, on continue tranquillement. Vrai ou faux, se faire dorer la couenne. Est-ce que ça signifie se faire bronzer ? Vrai ou faux ? Bah ouais, se faire dorer la couenne, c'est le gras. Aïe ! Et je mets vrai, bravo, bonne réponse. La couenne n'est pas seulement la croûte tendre de quelque chose ou de la peau de porc flambé. Excusez-nous, chers musulmans et juifs. Dans l'expression « se faire dorer la couenne », le mot « couenne » remplace le mot « peau ». « Se faire dorer la couenne » signifie donc « se faire bronzer ». Merci, Kipo Quiz, merci. Il n'est pas très très dur ton quiz, hein. Je ne veux pas critiquer, mais c'est vrai que... Bon. Vrai ou faux, avoir passé la nuit sur la corde à linge signifie avoir dormi en sous-vêtements, vrai ou faux ? Avoir passé la nuit sur la corde à linge ? Non, je dis que c'est non. Tu dis passe, non, passe, je mets ouin. Non, et non, et bonne réponse Avoir passé la nuit sur la corde à linge signifie avoir passé une mauvaise nuit, avoir mal ou tout dormi. Simplement, finalement. On demande à quelqu'un s'il a passé la nuit sur la corde à linge pour dire qu'il a les traits tirés, qu'il ne semble pas dans son assiette. D'accord. On continue donc le vrai ou faux, avoir les yeux gros comme des trous de sus. La comme sus étant la sus. Tétine, signifie avoir le regard fixe, vrai ou faux. Des yeux comme des trous de sus. Le regard fixe. Gros comme des trous de sus. Gros comme des trous de sus. Ouais, ça ouais, plaît, je dis. Ça, comme expression. Je dis ouais, je dis ok. Allez, on y va, on m'aimait vrai. Et désolé, mauvaise réponse pour le joueur auvergnat. Terrible. Qui vient d'avoir une terrible désillusion. L'expression avoir les yeux gros. C'est vraiment, comme on est vraiment en train de faire un revival de l'épisode foot. C'est en mode ah, terrible désillusion. Joueur auvergnat, attention. Ça signifie avoir les yeux à peine ouverts en raison de la fatigue. Au Canada, le mot sus est synonyme de tétine ou sucette pour bébé. Ou peut-être qu'on est gelé ou qu'on a passé le ouinge sur la corde à linge. Au choix. Absolument. Bien sûr. Je continue. Oui. Et je te pose la prochaine question. Ça va te flair. Pelleter les nuages, c'est avoir des projets irréalisables. C'est plutôt joli. Pelleter, mais c'est pelleter genre comme tu... Pelleter les nuages. Ouais. Ah, moi, j'aime bien. Je dirais... ouais, je dirais que c'est oui. Je dirais ok. Je suis pas sûr. Mais vrai, bravo, bonne réponse. L'expression pelleter des nuages signifie rêver sans tenir compte des contraintes. Quel animateur. Réelles. Un pelleteur de nuages, c'est un idéaliste ou un enthousiaste dépourvu de sens pratique qui caresse des chimères. Et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi est-ce que Dimitri 130 n'est pas encore sur TF1, quoi, finalement? Parce que c'est un tellement incroyable. C'est meilleur que Grégoire Margoton. Quel match! Allez, continuons. Putain. Allez, vrai ou faux, avoir une montée de lait est synonyme d'avoir une montée de rage. Ça me dit quelque chose d'avoir une montée de lait. Ça me dit quelque chose comme en tant qu'expression québécoise. Avoir une montée de lait, c'est pas c'est pas le mec comment il s'appelle, le québécois complètement défoncé face à la caméra, Johnny Crying. Tu vois Johnny Crying? L'homme de la quenelle, de la quenouille. Oui, voilà, l'homme de la quenouille qui dit j'ai des montées de lait, machin. Ah non, c'est un autre mec qui demandait à baiser Rihanna ou je sais plus qui. Bon bref, non, alors lui en fait non mais en gros, il était puceau. Non, c'était non, en gros, c'est ça. Oh là là, oui. C'est le mec, tu très sais. Clair. Très très clair, Johnny pelleteur de lait. Non, c'était pas Johnny Crying, c'était un autre, et il faisait un appel sur internet en disant écoutez, là, il faut vraiment que je baise, je peux plus, ça fait 35 ans que je suis puceau, j'ai des montées de lait jusque dans le cerveau. Enfin, il disait ça et c'était rigolo. Du coup, je dirais que non, je dirais que avoir une montée de lait, c'est être très très excité sexuellement. Je mets faux et désolé, mauvaise réponse. Terrible. La réponse est vraie, monsieur. L'expression québécoise avoir ou faire une montée de lait signifie avoir un accès de mauvaise humeur, généralement sans justification réelle, exprimer son indignation ou s'énerver fortement. Je D'accord. dirais que nos amis québécois ont quand même... Ils sont inventifs. Bien plus que Pierre qui roule n'amasse pas fousse. Oui, voilà cette fameuse expression du nord de la France. Bien sûr. Comme on dit chez moi. Alors, vrai ou faux, l'expression oreille de Christ sert à décrire les gens qui écoutent aux portes pour dénicher des ragots. Oreille de Christ. Ah non. Quoique, Christ, ça veut dire plein de trucs, hein, quand même, au Québec. Non, je dis quand même faux. Sacristie. Et faux et bonne réponse. Bravo. La réponse est faux. La locution oreille de Christ que l'on prononce oreille de Christ. Ouais, voilà. Désigne la couette. Oreille de Christ. Désigne la couette de lard grillée dans une poêle ou frite dans l'huile et servie sous forme de croustilles épaisses. Ça n'a juste rien à voir. Ouais, rien du tout. Hein. Rien du c'est même. Ça n'a pas grand-chose à voir avec quoi que ce soit, finalement. C'est de la bouffe. Voilà. L'oreille de Chris. De Chris. D'accord. Bref, continuez. Alors, vrai ou faux, avoir de l'eau dans sa cave, c'est porter des pantalons trop courts. Vrai ou faux? Avoir de l'eau dans sa cave, porter des pantalons trop courts. C'est rigolo, ça. Ce serait rigolo. Ce serait cohérent. Bah, c'est pour ça que je vais dire oui, du coup. Alors, je mets vrai et bravo, bonne réponse. L'expression « avoir de l'eau dans sa cave » signifie « porter des pantalons trop courts ». Elle fait référence au fait qu'on retrousse le bas de ses pantalons pour ne pas les mouiller lorsque la cave est inondée et qu'on doit réparer les dégâts, les dégâts, c'est la caca, c'est la tata, incroyable, c'est la catastrophe. Incroyable. Mais le joueur auvergnat qui est, en feu, qui est ce chaud soir. ce soir, très peu de mauvaises réponses. Il a le talent de N'Golo Kanté. Très lucide. N'Golo Kanté. Ta-da-ta-da. Bref, continuons. Vrai ou faux, se péter les bretelles, c'est avoir un excédent de poids et ne pas s'en soucier. Se péter. Et ne pas s'en soucier. Est-ce que ce serait déjà pas un petit peu de la grossophobie? Bon, ça, je dis ça, voilà. Hein, moi, c'est pas, voilà. Mais au contraire, t'en es fier. T'es fier. Ouais, non, mais l'expression se péter, les bretelles, genre, ouais, t'es gros et tu t'en fous. Tu trouves ça normal, toi? Bref, tu te pètes les bretelles. Bref, tu te pètes les bretelles comme ça au calme. Mais voilà. T'es dégueulasse. Personne moi, je dis que toi, c'est faux parce que c'est grossophobe. Ah, alors on est faux et bravo, bonne réponse. Incroyable, voilà. incroyable. L'expression se péter les bretelles est synonyme de se vanter de ses exploits. Ah, bah ouais. L'esbrouf qui se rapproche de l'expression qu'on a utilisée tout à l'heure qui était. Péteux de brou. Péteux de brou. Ah. Incroyable. On est donc un péteux des bretelles et on continue sur L'avant-avant-dernière question, alors continuons. Vrai oui. ou faux ? Cogner des clous. Non, c'est juste l'avant-dernière question en fait, puisque c'était la question D'accord. 14 sur 15. Alors, cogner des clous. Cogner des clous. C'est faire un travail répétitif. Est-ce cogner des clous ? Est-ce un bullshit job ? Oui ou non ? Envoyez un. Je dis oui. 36, 70, je dis tu oui. Dis vrai je envoie un. Tu as désolé, mauvaise réponse. Ah, terrible. Mauvaise réponse, mauvaise réponse. Tu l'écoutais. L'expression cogner des clous veut dire dodeliner de la tête lorsqu'on s'endort involontairement. Quoi ? Mais il y a une expression pour ça ? Assise. D'accord. Absolument. Une expression qui est très connue des Indiens qui dodeline de la tête à longueur de journée. Ouais, non. Sans avoir... même sans être somnolent. C'est très non, ne refaites pas ça chez vous. Hein. Incroyable, incroyable. On va alors terminer sur avec la question dernière bonus. Question. Vrai ou faux ? Si tu réponds juste à cette question, tu gagnes la partie. Ah si ouais. Tu réponds faux. Non non mais tu rigoles quoi. Non. Ah mauvaise foi, la mais mauvaise quoi, foi. Mais quoi la mauvaise foi ? J'ai répondu. Qui veut dire n'en avoir rien à cirer. Non, j'ai répondu quasiment tout juste. Bon. OK, d'accord. OK. Alors, je joue le jeu. Et je dis vrai ou faux. L'expression avoir des fonds de bouteille fait référence à de sérieux problèmes. D'alcool. Avoir des fonds de bouteille. Avoir des fonds de bouteille. Est-ce que ça veut dire de sérieux problèmes d'alcool ou est-ce que ça veut dire ne pas avoir de sérieux problèmes d'alcool? Alors, est-ce que c'est votre dernière réponse, Jean-Michel Delaxe? Écoutez, monsieur Foucault, j'aurais bien été tenté par l'appel à un ami, mais j'ai envie de jouer le grand jeu. Et je vais dire que cette expression et surtout la définition que vous lui donnez est fausse. La définition que je lui aurais donnée serait fausse. Alors je rappelle que le joueur auvergnat a tout remis en jeu Delaxe, alors qu'il avait raison depuis le début. Hein. Depuis le début, là il s'apprête à gagner 1 million d'euros. C'est ça. À devenir millionnaire. Merci ou, la Gavoline d'ailleurs pour ce sponsor. Merci beaucoup. Ou à rentrer chez lui. La queue entre les pattes, expression française qui signifie rentrer sans rien. Rentrer sans rien. Pauvre. Comme triste. Avant. Nul. Nul. Alors. Zéro. Zéro. La décadence. D'accord. La, bon, la alors, piquette, Jack. La piquette, c'est la piquette, Jack. Alors, vrai ou faux l'expression. J'ai dit faux. Suspense. Ah ouais, non, mais ça va. Vrai ou faux l'expression avoir des fonds de bouteille. Fait référence à de sérieux problèmes d'alcool. Je rappelle, si vous venez de nous rejoindre... Oh là là là. Terrible. Que monsieur Delaxe a répondu faux. La réponse tout de suite, après la pub. La réponse. Et la bim. Tu mets une petite pub, la Gavoline. Non, mais j'en ai plus tu assez. Remets remets une même pub, la Gavoline. Bon, on se retrouve après la pub, donc... Putain, pour retrouver la réponse définitive à cette oui, question, par pitié, vite. L'expression « avoir des fonds de bouteille » fait référence à de sérieux problèmes d'alcool. Je rappelle qu'on joue... Oh là non, vas-y, c'est chiant. Non, là, c'est chiant. Vas-y. Le Cupo Quiz du Québec. Et je dis... Bravo, bonne réponse. Incroyable. 1 million. Incroyable. 1 million. 1 million d'euros directement reversé sur le compte de l'association Make a Wish. Je suis. Vous ne toucherez pas un seul centime de cet argent. Ah non. Make a Wish, en fait, on n'est pas sérieux. Hein. Si Make a Wish nous prend au sérieux, ils ont tort. Effectivement, vous avez gagné voilà. cette partie incroyable d'expression française. Donc, le score définitif est de 10,2 sur 15, ce qui équivaut à un niveau universitaire incroyable. Carrément. Incroyable. Bon, c'est la fin de ce Glovoque interminable. Incroyable, Glovoque, les classiques ont toujours raison. Et on termine avec ce groupe canadien qui plagie depuis près de 10 ans, l'artiste nigérian Fela Kuti, qui fait du... Voilà, ils font de l'afrobeat, mais ils sont tous blancs, c'est rigolo. Mais c'est sympa ce qu'ils font quand même, c'est du bon plagiat, tu vois. Bon, merci de nous avoir suivis jusque-là, si vous avez réussi à tenir jusque-là. Ça a été un long épisode, je sais pas combien de temps fera le montage final, mais là on est à 1h50 d'enregistrement en tout. Et encore, On a bien passé une heure et demie sur la chanson. Ça a été un moment compliqué. Mais ça a été un très bon épisode de Glovox, très coloré, beaucoup de choses différentes. On a eu Maître Quentin, on a eu un conte de 10130, ça faisait longtemps. On a fait de la vexillologie, ça faisait super longtemps aussi. On a eu un jeu de rôle incroyable où on était dans un bateau. Il s'est passé beaucoup de choses. Ce quiz, évidemment, final était dantesque. Hein. Voilà, beaucoup de plaisir en oui. votre compagnie. On aura appris aussi que les Glovox canadiens sont finalement des moustiques, apparemment. Ça, on le sait de notre envoyé spécial. Voilà, Quentin, Maître Quentin. Bon, c'est pas une info à prendre non plus. Si, quand même. Moi, ouais, Maître Quentin, il est spécialisé en volcanologie. Mais non, mais moi, je crois à nos envoyés spéciaux. Bon, après, il faut dire qu'il y a une combinaison assez fantastique entre les petits Glovox et les gros Glovox au Canada. C'est ce qu'on aura retenu du Glovox canadien. C'est vrai. C'est qu'il y a à la fois les petits Glovox le très teigneux, très méchants, ouais. très agaçants, et le grand Glovox blanc, rare, ouais. précieux. Unique. Peu de personnes ont réussi à croiser dans leur vie, mais qu'on a eu la chance pendant cette émission d'aller chercher dans le temps et pas que dans l'espace. Bien sûr. Donc ça a été le premier Glovox où on a voyagé dans le temps. Absolument. Rien que pour trouver ce Glovox. Donc on a envie de nous dire à nos amis baleiniers, arrêtez. Mais d'autant que maintenant, normalement, ils ont arrêté. Il y a encore des Japonais qui le font. Mais bon, c'est vrai que globalement, ça s'est un peu calmé. Mais quand on va aller au Japon, je pense qu'on va taper sur des gens. On va faire du karaté dans leur gueule. On va les défoncer. C'est bien ça, faire du karaté. Ouais. C'est marrant ça, parce que karaté, Japon... Ouais, le judo aussi. T'as oublié. Et les mangas. N'oubliez pas les mangas. Bien sûr. Bon, on va marquer la fin de cet épisode de Glovox. Ça a été un plaisir de le passer en ta compagnie, 10130, comme d'habitude. Mais bien sûr. On se retrouve très vite pour un prochain épisode, sans doute avec Maître Quentin qui sera de retour, hein, bien Absolument. Sûr. On va pouvoir le faire avec lui. Et puis, on ne sait pas encore hein, ce que sera le prochain épisode de Glovox. Quoique, on sait peut-être, mais de toute façon, on ne le dit jamais. Franchement, de toute façon, nos auditeurs fidèles vont voter. Ah ouais. Et vont nous conseiller un pays. D'accord. Dites-nous dans les commentaires quel pays oui. vous voulez qu'on visite la prochaine fois. On est toujours on écoute nos auditeurs. Oui, je rappelle qu'une fois de plus que effectivement au moment où vous écouterez cette émission, il sera possible de déposer des commentaires sur PodCloud. Donc n'hésitez pas vraiment n'hésitez pas à aller déposer des commentaires et à essayer de nous contacter. On est aussi évidemment sur Twitter, bon même si on n'est pas très réactif, on est aussi sur Instagram même si on n'y va jamais, et sur Facebook où là par contre on est obligé de le voir quoi si vous mettez un truc sur Facebook. Donc bref, mettez-nous des pouces partout où vous voulez. On vous aime, on est très content d'avoir passé ce moment avec vous. On espère que vous serez encore au rendez-vous la prochaine fois qu'on fera un Glovox. Normalement on en fera encore un d'ici l'été, au mois d'août, là ça sera prévu. Voilà, je sais pas si on a grand chose d'autre à dire, 10130. Non, rien, soyez heureux, soyez sympa, allez loin de chez vous. Et justement, on va terminer ce petit Glovox avec un petit a cappella de l'hymne de Glovox. Ah, tu veux qu'on. Jusqu'à la fin, sans guitare, ah ouais. sans maracas, sans petites machines africaines bizarres qui font du bruit. Bonne soirée, messieurs, dames. Je suis parti à l'aventure, braver les dangers, l'horizon, traquer le Glovox du Canada, là-bas, très loin de chez moi. Je suis parti à l'aventure.